Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Bonsoir, en manchette ce soir, mutilation, malin et mère indigne. Et pour entamer ce mois de novembre, vos mortels chroniqueurs, Mathieu Boudreau, Richard Zettirois, Octave Savoie-Lortie, Patrick Raymond, Simon Portelance, Ken Mallard, ainsi que notre invité Mathieu Saint-Onge en direct du Brouhaha à Montréal, c'est 70%. Toute beauté. Merci beaucoup, Guillaume Blais, comme house band ce soir. Ça, c'est vraiment du luxe. C'est comme une mi-molle très dure. Genre. Second show. C'est Guillaume Blais. C'est une métaphore manquée, réussie. Bienvenue à 70%, Bruno, qui regarde ailleurs. Ah, c'est la photo, OK? C'est la photo. Je suis vraiment dedans. Je suis très content d'avoir notre invité, mais avant d'en parler... Tu l'as vu, le nouveau Transformers? Non, j'ai pas osé encore. Je pense qu'il n'y a rien qui peut arriver à la cheville du 2, qui est un moins 8.5. Ben, c'est un renouveau. Je te dirais que c'est un nouveau genre, mais depuis, c'est tout pareil. Là. Je te montre un 5 minutes. Non, le 3 est moins bon que le 2. Ah ouais? Dans l'ensemble, je veux dire, comme... Décris-moi deux affaires qui se passent dans l'autre. Exactement. Ouais, j'avoue que ça prouve rien. Ouais. Je me rappelle qu'au début du 2, il y a comme un scorpion dans le sable du désert. Ça se peut que ça l'arrive, ouais. Ça se peut, ça. En tout cas. Je l'ai vu trois fois, je m'en souviens pas qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. Un robot dans le désert. Ouais. C'est mieux d'être du futur assez puissant. Ouais. Sinon, ben, on a appris tantôt, moi et Bruno, et je pense que c'est de notoriété, ben, ça devrait être de notoriété. Les Biker Mice from Mars vont avoir leur long métrage prochainement. Il y a 4 points d'interrogation sur la page IMDb, donc prochainement. Là. On a très hâte. Qui se rappelle des Biker Mice from Mars? À part ceux qui étaient là tantôt et qui l'ont vu. Ouais. Le méchant, c'est un crapaud qui mange des vers de terre. Il a l'air de puer. Ouais. Ça mérite de mourir. Ça. Ouais. C'est vrai. Sinon, ben, on pourrait peut-être sauter là-dedans. Il a l'air tellement sympathique. Hein, c'est capoté. Ouais, ça a l'air sympathique. Ouais, hein. C'est comme une malédiction. Mathieu Saint-Onge, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Oh! Là, ça c'est on est-tu filmé? Oui, on est diffusé live sur le web. Ah, OK, c'est sur le web. Et on est aussi, ben oui. Bon. Okay, on n'est pas plugué comme ça. Non, mais je savais pas si c'était juste de l'audio. Là. Ah, on a ça aussi, par contre. Je passais à CJMS Country. C'est ça votre canal de diffusion? Ça serait pas pire. Oui, ça serait vrai. Ça serait vraiment cool. Ben, des fois, on a du country, on a Guillaume Blais. Ben oui. Sinon, Mathieu? Puis? Ben oui. Ben, moi, j'ai pas vu de film depuis un an. Ah ouais? Hein? Toi, t'es occupé à les faire, là? Ben là, j'aimerais bien ça, faire des films, mais là, c'est long, là. C'est pas... c'est long faire un du film. Monde. Là, c'est ça, tu sais, faut engager du monde, faut avoir des horaires de tournage. C'est vrai. Ça. Fait que là, t'es obligé de faire des courts-métrages à la place. Exact, faire même des capsules web. Oh, que ça, c'est encore plus... C'est moins long. C'est moins de tout. Ouais. C'est moins de tout, mais c'est quand même très plaisant. Ouais. Ben, ça vaut cher d'être capable de faire ce qu'on aime pour subvenir à nos besoins et à ceux de ceux qu'on aime. Oui. C'est ça qu'on fait en tant qu'artiste? Ben, toi, oui. Il y en a d'autres qui mais le besoin principal, c'est créer. On s'entend. C'est ça qui est le besoin principal. Oh, c'est cute. T'as gardé ta petite innocence. C'est-tu pour ça que t'es comme multidisciplinaire, pluri... Pluri-multi. Ah ouais, jamais branché sur rien. Écoute, jamais branché sur rien. Mais c'est ça qui est plate. C'est qu'au fil des années... tu sais, m'étirer, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, au fil des années, ça me nuise mon rêve de pluridiscipliner la danse parce que... Mais tu sais, dans la danse moderne, je veux dire, t'as pas besoin de faire grand-chose, mais j'aimerais ça avoir une amplitude possible de mouvement, okay. De m'étirer à plus que 70%, mais ça va ressembler à du 70% de possibilités de mouvement de danse. Si jamais je me lance là-dedans, ben pour pluridiscipliner dans c'est la création. Vrai, c'est vrai. Mais je me semble, ça fait longtemps que je te connais, puis oui. La danse, c'est la première fois que tu me parles de ça. Mais ça me travaille, là. OK, c'est, parce que c'est comme un médium que tu n'as pas essayé encore. C'est ça. Pour dire que là, je vais l'essayer un moment donné. As-tu essayé de faire des arts martiaux? Ben ça faudrait aussi. Ça me travaille aussi. Ça va bien ensemble. Il y a bien des choses qui sont toutes là dans le pluri, là, vous en voyez un peu, mais tout est en arrière de ma tête, là. Ça, c'est là que ça plurit le plus. Ouais. Puis sinon, t'as pas commencé à jouer à Magic non plus. C'est quelque chose qu'on a réglé jadis. Ouais, j'ai pas plus commencé qu'avant. Ouais, ben, si mon gars commence, je vais embarquer. Comme si mon gars, je parle de Star Wars puis qu'il trippe, je vais les écouter. Chose que j'ai pas faite encore. Si j'y parle d'Harry Potter, je vais les écouter avec, si, etc. C'est ton gars qui décide. Là, c'est mon gars qui décide. C'est ça. Puis mec, soit ado, s'il veut regarder une série, je regarderai une série. Hey, c'est vraiment une belle allégorie de à quoi ça sert des enfants, pareil. Hein. Bon, oui, ça te fait commencer à faire des affaires. Ben oui, puis si, mettons, là, grosse question, oui. S'il commence à triper sur Jack and Jill puis Adam Sandler, oui. Tu vas faire quoi? Je vais triper avec lui. Calme, je me lance là-dedans. Ça va être ça. Oh shit, y a-t-il une affaire qui pourrait aller trop loin? Ouais, je viens de voir des meurtres. Là. C'est correct, on peut parler d'autres choses. Pour aller, ben on va attendre que, avant d'aller si trop loin. Si tu du monde, ça, tu parles comme dans Dexter. Ben, j'y ai montré c'était quoi Jésus. Parce qu'un moment donné, il voyait des croix de Jésus. Il voyait le bonhomme tout nu accroché. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là... c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça, pareil? Ben, c'est sûr que c'est ça. C'est là, quand même, assez présent. C'est, pourquoi ils ont rajouté du rouge, ces petits clous qu'il y a dans les poignets? Ben, c'est ça. Puis Jésus... Puis un moment donné, tu sais, j'avais comme... Quand il était plus petit, je mettais une couche, puis il grouillait, puis il y avait de la misère. Là, je dis, là, tu vas faire Jésus crucifié. Puis là, il faisait Jésus, puis je mettais sa couche bien tranquille. Crucifié ça comme marche, Jésus. Ça marche, la religion, pareil. Ça marche. Puis Jésus, il a un peu une couche hein, quand même dans sa couche. Oui, aussi, c'est ça. Ben oui. Sans, t'sais, connecté avec il a quand même passé trois jours accroché. Ah, c'est quel ton miracle? Non, mais... C'est quel ton miracle préféré de Jésus? Mon miracle préféré... Moi, je pense que c'est quand il a tassé la roche une fois qu'il était mort. Ça, là... Tu sais, il était... Dans... Il l'a tassé de l'intérieur. De l'intérieur, oh, il a tassé la roche. Moi, ça, c'est... Je trouve ça incroyable. Inspecteur Rouletabille, il était subjugué. Oui. Mais je pense à ça, là. Ça doit puer le tabarnak, un tombeau de même après un temps. Tu peux pas avoir une grotte par mort. Surtout qu'une couche pleine de marde. Non, mais c'est comme, tu sais, il tasse toute la roche. Tu viens de faire un gros effort pour remettre du monde. Puis là, après avoir fait des efforts, t'es comme... Puis là, t'as l'odeur du tombeau qui arrive, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est comment ça marchait dans cette époque-là. Comme, ça resserre-tu après une couple d'années? T'sais, on va remettre un autre cadavre là-dedans. On a des questions à poser, bon, nous autres. C'est pour ça qu'on est là. Les tombeaux, oui. Toi, quand tu vas mourir, c'est quoi tu veux comme manière de te faire embaumer puis tout, là? Maquillage païen. Oh! Maquillage Je pense que ça a comme... C'est-tu? Ça va, hein? C'est juste le tien? OK. C'est fragile. C'est fragile. Voilà. Non, je sais pas. Ah, ben, c'est ça. Moi, c'est maquillage païen, puis le monde me font ce qu'ils veulent dessus, là. Tu fournis les charpies avant de... Ben, c'est comme Gigi Allen, mais je vais le prévoir, tu sais. Ça va être le fun. Je sais pas si... J'espère pas mourir avant mes parents, parce que les autres seront pas d'accord, là, mais... Ah, ouais, ça gâche tout le temps tout, ces affaires-là. Ça pourrait être le gars qui s'est endormi en premier dans le party, genre. Ouais, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Non, mais tu sais, on va se faire du fun. Là. Le monde va me roaster, puis on va se faire du fun avec la mort. Moi, c'est ça qui est... Ça me va, OK. Puis bon. On t'enterre ou on te brûle ou on pointe tes morceaux puis on les donne à des... Ça, je le sais pas en tout. T'as-tu signé ton permis de conduire? Non. Check ça, donner tes organes. Ben, je suis censé donner mes organes, mais ceux-là qui servent pas, on peut les brûler, je pense. Et voilà. Ouais. OK. Ça peut être correct. Ben, tant qu'il y a du monde pour se réchauffer autour. Ben oui. Si le monde veut les manger, je suis d'accord aussi. C'est son game. Puis si, mettons, mon corps fait des bonnes tomates, ben, mettez-moi dans le jardin. Là. Oui, également, c'est ben, ça. C'est tant qu'à brûler, non, brûler, on va servir à quelque chose. T'es-tu un fan de pêche, toi? Ben, j'y vais pas, mais j'ai rien contre ça. Là. OK. C'est quoi l'activité la plus traditionnelle québécoise que tu vas passer à ton fils? Toi, je sais que ça sera pas comme bitcher sur le Canadien. Là. Ça va être plus... Ben, le pire, c'est quoi? Ben, pas bitcher, mais j'y monte le hockey un peu. OK. Ouais. Pour l'instant, c'est un gros fan de mise en échec puis de gardien qui tombe. Oh, tu vas faire un power forward. Ça, ouais. Non, traditionnel. Je vais peut-être me fier sur d'autres adultes là, qui sont plus adultes. Hommes que moi là, ouais, pour ouais, montrer ça. La chasse puis la pêche. Là. Moi, je vais lui montrer l'art. Là. Non, je pense que c'est très bien comme ça. Sinon, est-ce que c'est important pour toi les choses? Ben, en quelque part, oui, puis en quelque part, non. Parce que notre passage sur Terre est court, mais on s'y accroche. Hein? On est entre le spinage, puis vouloir s'en aller, puis la gravité qui est vouloir garder des affaires. Fait que c'est sûr qu'on a un attachement aux choses, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les choses, il faut s'en calisser, parce que quand on meurt, t'as bien beau apporter ce que tu veux dans ta tombe, disons que t'en profites pas bien, bien. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et surtout, t'en profites pas ben ben, mais c'est ceux-là qui sont encore vivants, qui sont obligés de les gérer. Fait que si t'accumules des choses pendant des années, puis que tu remplis deux maisons complètes, tu donnes du trouble à ceux qui restent. Ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que les choses... Hey, c'est donc bien altruiste comme point de vue, j'aime ça. Ben, c'est pour ça qu'il faut se gérer. Ouais, ben, tu t'imagines encore dans une jarre en plus. Mais moi, je me suis toujours demandé, dis-moi, j'écris des pages et des pages de pensées qui me sont arrivées au fil des années. Dans ma tête, j'écrivais pas pour quelqu'un, j'écris pour moi, mais des fois... Et d'ailleurs, Mathieu a eu de loin la plus longue biographie que j'ai eue de proposer par n'importe qui est venu sur le show. D'habitude, je demande à l'invité, envoie-moi une petite bio, puis ben 23 pages. Ben, c'est que... c'est que j'ai fait... Je me suis dit, c'est pertinent. J'ai fait... Moi, tu sais, j'écoute beaucoup d'albums parce que je fais de la peinture à la maison. Puis ce que j'aime quand disons que je rencontre un artiste, là, que j'entends parler d'un artiste qui est super prolifique, qui a fait des albums pendant 35 ans, je le connais pas. Je m'en vais regarder s'il n'y a pas un worst to best. Quelqu'un qui s'est dit, je vais prendre le pire, je vais y aller du pire au meilleur. Souvent, ça va être des grands fans qui vont faire ça, puis qui vont quand même voir dans le pire un peu de positif. Pis c'est ça qui est le fun, c'est que moi, des fois, j'aime ça commencer, je découvre un artiste, je vais en ordre chronologique parce que c'est le fun. Mais des fois, c'est le fun de dire, je vais écouter la pire affaire. Pis si j'aime ça, c'est sûr que dans 30 albums, je vais capoter. Ouais, ouais. Là, j'aime bien les... Il y a de plus en plus de Peter Gabriel puis de Steve Hackett, genre, pour un moment donné. C'est ça. Ben, justement, les worst to best de Genesis, on va dire, est-ce qu'on va mettre toutes les Peter Gabriel au début? Puis il y en a qui vont dire c'est lequel le meilleur avec Phil Collins, chanteur. Je me souviens plus c'est lequel, mais dans le worst to best, c'était celui avec l'arbre. Là. Je me souviens plus le nom. C'est fair. C'est l'arbre, là. Oui, c'est Wind and Withering. Ça c'est me va. Ça, c'est ça, oui. Ouais. Je pense qu'il le mettait quatrième dans c'est le top. C'est un album très intime. Très intime. Fait que je me suis dit, puis il y a toujours une espèce de... on essaye de justifier pourquoi on l'a mis en telle position, puis que là, après ça, tu as une discussion parce que des fans auraient mis là dans d'autres positions. Ouais, je suis un fan de classement et de position. Je me suis dit, je vais faire mon classement de ce que j'ai fait dans ma vie, carrière, dans ma carrière, en incluant les parce affaires. Parce que tu es un gros fan de toi, puis tu es capable de voir la qualité, même ben, dans pire affaire. Il fallait que je prenne un break, tu sais. Mais je me suis dit, ah, ça, c'est en quelle place? Puis je me suis c'est dit, fair comme exercice. C'est fair comme exercice parce qu'il faut quand même. Oui, parce que il faut être fan un peu de soi-même. Ça, l'ego, là, c'est un peu comme une porte que tu passes dedans. C'est que quand tu viens le temps de faire, tu sais, de t'évaluer, faut pas que tu aies un gros ego, mais quand vient le temps de présenter tes affaires, faut que tu aies un gros ego. Sinon, ouais. Tu arrives dans une entrevue et tu te dis, bah là, j'ai fait ça, mais pas sûr. Ouais, pas ouais, sûr ça. Ça, là, je suis maudit fan, par le talent. Ah, c'est ça. Mais tu sais, si c'est trop gros, tu dis, c'est la meilleure affaire j'ai faite. Ouais, il y a quelque part entre les deux encore. Tu gonfles ta ballonne. Très bouddhiste, la gravité, ça tourne, qui veut nous envoyer, puis. La corde, elle joue ou pas, si on l'a... C'est ça, c'était comme un exercice de dire, oui, je me concentre sur moi, fait que je gonfle ma balloune, mais des fois, je suis comme, ouais, ben je vais aller me rappeler l'affaire que j'ai faite, que j'ai envoyée en démo, puis qu'on m'a dit que c'était pas bon, puis je vais dans quelle position que je la mets. Ça m'a-tu apporté du bon de faire ça? Oui, ça m'a permis d'avoir une autre idée. Être critique par rapport à soi. J'ai fait tout ça, puis je me suis dit, en tant qu'émission de 70%... C'est nous autres, ça. Ça, c'est vous autres. Je me suis dit, vous êtes... C'est des affaires douteuses. Je n'ai fait des affaires douteuses. C'est pour ça que je t'ai chupé ça, en disant que tu allais bien pouvoir piger là-dedans. C'est fair enough. As-tu un super-héros préféré? Non. T'es excusez. Tu es fan de super-héros? Ben, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je vais supposer lequel. Ça serait non, peut-être ben, John j'ai... Constantine. Genre. J'aime bien le côté de se demander. Je pense que c'est Étienne Forêt qui avait fait un statut Facebook là-dessus. Si tu avais un super-pouvoir, lequel ce serait? Et là, de dire, ça va-tu être la super vitesse, le pouvoir de voler ou d'être invisible? Tu avais le choix entre ces trois-là. Puis c'est très. Puis de choisir un super pouvoir. Le pouvoir de nommer parfaitement le fromage que tu es en train de goûter. Ça, c'est fort en tabarnak. Ça, c'est Je viens d'imaginer 8 scénarios différents dans lesquels ça peut sauver le monde. Là oui. Où Superman puis Batman n'auraient pas été capables. Ben oui. Et d'ailleurs, par exemple, si tu sais pas c'est quoi ce fromage-là, je vais faire exploser le monde. Déjà. Je suis fromage à tort. T'es pas un fan de fromage, toi? Oui, je suis un fan de fromage. Okay. Je trouve que je me dis, cette personne-là pourrait tellement travailler d'une fromagerie, là, ça serait incroyable. C'est ça. Fromagier de jour et justicier la nuit. Il pourrait être un fromager, mais tu sais, tant qu'il pourrait sacrifier sa vue pour ça. Il pourrait être un fromager qui sent le fromage. Ah, c'est exactement. Comme dans le film que toutes les filles ont lu au cégep, là. Le parfum, là. Le méchant, il fait des. De Patrick, Patrick Swayze. Non. Patrick Swayze, ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sûrement. Ah oui. Sûrement. Ah, c'est ça, ça ressemble. On nous le confirme dans la chaîne. Souskin, c'est ça. Squeezy. Ah, Squeezy. Patrick Squeezy. OK, c'est ça. Patrick Squeezy. Patrick Squeezy, le parfum de Patrick Squeezy. J'aime ça, Puis sinon, ça fait plusieurs fois que tu viens à 70%, mais j'ai l'impression que... Ah oui? Ça fait 3-4 fois. OK, ça se peut. Pas ici, mais ah non, ça fait 10 ans que je fais ça. Dans les Choc FM dans le temps. Puis t'es venu une fois à douteux.tv aussi. Oui, c'est ça. T'as le podcast, c'est la première fois. A toujours été un podcast. T'sais. Ouais, on était pas mal diffusé en podcast. C'est vrai. Là, c'était un podcast. C'est vrai que t'en as eu un, toi aussi? C'est vrai que c'était un podcast. Ben oui. OK. Fait que la question, c'était quoi? J'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Bonjour, ici Mathieu Saint-Onge et je n'ai jamais pris le temps d'écouter 70%. Ça peut être. Il faut que tu dises ton nom puis 70%. OK. Mathieu Saint-Onge, comme je dois faire un indicatif pour 70%, ça va valoir 70%. Fait que je vais parler fort en proche du micro. Puis ça, c'est comme l'erreur qui fait baisser à 80%. Puis l'autre erreur, c'est que je vais taper de même. OK, on est à 70. C'est parfait. Mathieu Saint-Onge, mesdames, messieurs. Sinon, tu nous as amené une capsule. On va te reparler dans l'émission. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. Okay. C'est jamais deux fois la même personne. Donc, toutes ces personnes sont différentes. OK. Laisse-toi aller. On va aller écouter Guillaume Blais à cette heure. On aime beaucoup ça, ce qu'il fait. Guillaume, s'il te plaît. Swingage de guitare. Ben oui, un petit swingage de Godfather. Alors, on s'en va tout de suite à Salem, où une femme de Salem au Connecticut a plaidé coupable d'abus physiques sur son mari après que des preuves vidéo de ses actes aient été remises aux autorités. Les abus de Jillian Washburn à l'aide de battre son mari devant ses enfants à lui infliger des coupures sur le pénis avec des ciseaux. Les preuves vidéo ont été obtenues grâce à une caméra GoPro que Washburn avait imposée à son mari de porter. Parce qu'elle ne souhaitait suivre tous ses faits et gestes, elle a été condamnée à 8 ans de prison. Bon. Elle n'a pas vraiment prévu son coup avec sa caméra. Non. Hein? Ben, bon. Ou elle a, en tout cas, il y avait un univers autour d'eux autres. Aïe, aïe. Bon. Bon, ben, comme dans tous les cas de violence conjugale, c'est toujours plus drôle quand c'est une femme qui fait ça à un homme, hein? Ça fait ça. Non, mais c'est de même parce que c'est ça. Tu pourrais même en parler. On rentrera pas là-dedans. C'est quoi qu'a fait le gars après? Il a joué au Nintendo? OK, ça, je peux être un peu deep des fois. Le choix à quoi tu fais référence, ça a l'air de quoi une prison pour femmes? Une grosse cuisine? OK. Non, mais c'est toujours ça, les réactions. Tu sais, je veux dire, c'est une observation. On est plus sur Facebook en quand il y a des là. Affaires de violence conjugale et que c'est un homme qui subit, on dirait qu'il y a toujours un petit côté drôle. Puis on se demande pourquoi il y a un côté drôle. Mais j'ai pas fait une face drôle pendant qu'on le comptait. Non, je comprends. C'est plus le plan de match de la personne que je trouve vraiment drôle. Car... C'est plus pour ça qu'il n'en est pas. Pas drôle. J'aimerais mieux qu'il n'aille plus des histoires de même. Mais j'aurais plus de job. Mais, mais pour vrai, entre des coupures avec un ciseau sur un vagin puis des coupures avec un ciseau sur un pénis, qu'est-ce que vous trouvez le plus drôle? Le pénis gagne tout le temps. Ben, c'est ça, pas, c'est comme. Je sais pas, si c'est des gens qui pensent que c'est le pénis ou c'est juste des gens qui aiment vraiment beaucoup dire pénis, mais. Je comprends pas pourquoi je suis pas en train de faire une maîtrise en sociologie puis que je fais une recherche là-dessus. Ben, tu pourrais appeler ça de la pénisologie, peut-être. La pénisologie. Ben oui, l'importance du pénis dans la bouche et les oreilles des gens. Genre. Oui. C'est ça. Parce qu'on en parle, là, on le dit. Oui, puisqu'on en parle, puisque le sujet a été emmené sur la table. Hein? Let's go next, Bruno. Oui, on continue en pénis. Tyrion Poncey est entré dans un dépanneur de Chicago avec une arme à feu et a demandé l'argent de la caisse et les portefeuilles des deux employés sur place. Après avoir obtenu les portefeuilles et une pile de billets, l'homme de 19 ans aurait trébuché sur une chaudière faisant voler les billets par terre. Le suspect se serait alors penché pour ramasser son butin et... En se relevant, aurait réajusté le pistolet placé dans son pantalon, appuyant sur la détente, déchargeant une balle directement dans son... pénis! Wouhou! Encore un pénis qui s'ouvre. Un des employés aurait alors tenté de retenir Poncey, qui a réussi à prendre la fuite, se rendant jusqu'aux marches d'une maison avoisinante avant de perdre connaissance quelques minutes plus tard. Poncey a été transporté aux urgences du Christ Hospital, où il a été arrêté par la police quelques heures plus tard. Hey, c'est vraiment un des plus beaux ratages de vol que j'ai entendu de ma vie, ça. Ça il paraît qu'il y avait la toune de Benny Hill qui jouait pendant que ça se passait. J'aurais aimé mieux que ce soit lui qui ait la GoPro sur la tête, ça aurait été plus drôle. Oh, j'aime ça, il a couru. C'est sûr qu'il pouvait le suivre à la trace. Là. Ah ouais. Hey, ça, en tout cas, next! Oui, certainement. Un couple de Hermitage au Tennessee aurait mis feu à leur propre mini-fourgonnette avant de prendre la fuite et de tenter d'entrer par effraction dans un commerce de Springville, en fracassant la porte vitrée. Le couple aurait alors été confronté par un agent de la paix et Stephen William Comiskey, 49 ans, aurait agrippé le dit agent par le collet avant de lui arracher son badge et de le pousser sur un véhicule. L'agent aurait utilisé un pistolet à impulsion électrique pour contrôler Comiskey, qui a réussi à prendre la fuite à travers le stationnement avant d'être arrêté quelques instants plus tard. Lorsqu'interrogé sur ses actions, il aurait affirmé qu'il avait déménagé dans cette ville pour sauver le monde. Ah. Et avoir mis feu à sa mini-fourgonnette à cause du malin qui existait en elle, l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Shit, hein? Bon, au moins, là, Ben, c'était peut-être juste un caméo, le rôle. C'était juste comme... En arrière, il y avait une bouteille de bière cassée. Sacrement, hein? Lui, il avait la recette pour sauver le monde sauver du mal. Sauver le monde, oui. Crois-tu que ça se peut, ça? Sauver le monde du mal? Oui. Ben, moi, je pense que ça se pourrait, mais il faudrait qu'on ait la possibilité de devenir ce qu'on appelle un Léviathan. Tu sais, qu'un million de personnes se mettent ensemble puis forment un individu avec les consciences de tout le monde. Ça ferait quelqu'un de vraiment gros puis ça ferait peur à bien du monde. Guillaume, on passe au prochain! Ah, ça va faire parfait comme tu tournes après! Patrick Raymond, tout de corps. Ouais, hey, ça sonnait comme... C'était de la bombe, hein? Let's go, parle-moi. Ouais, mais ça sonnait comme la soirée du hockey en version... On a un connaisseur ici. Bouche sur le micro le plus possible. Allô? Tu gagnes de quoi à défaut d'avoir une équipe de merde? Je suis venu ici pour parler de ma chronique Part 2. C'est la suite de ma dernière chronique où un fanatique religieux, fan du Canadien, m'a souhaité d'aller en enfer. Puis... Tommy m'a dit de faire la chronique avec du punch, fait que... J'ai une question avant que ça commence. Est-ce que c'est un fanatique religieux que sa religion, c'est le Canadien? Sinon, c'est quoi sa religion? C'était pas Boston, en tout cas. C'était pas Boston. Là, du punch. Tu nous as amené du punch aux fruits. Tiens, là, du punch. Je l'avais mis en guillemets aussi, par contre. Hein. C'est quoi qu'on fait avec ça? Ben, c'est parce qu'il y a 70 calories dedans. Ouh, concept. C'était pensé. C'est pensé exactement pour ça. Donc, quand le fan du Canadien m'a souhaité d'aller en enfer, je suis allé en crise existentielle. Puis, j'ai décidé d'être agent de voyage et de chercher tous les trucs qui pouvaient y avoir l'enfer dedans. Pour vraiment trouver c'était où, la vraie enfer. J'ai cherché le trou du diable. C'est une place vraiment trop le fun. C'est excellent là-bas. C'est clairement pas là-bas. J'ai juste que fait de la randonnée jusqu'aux portes du diable, les portes de l'enfer à Rimouski. C'était pas là. C'était trop serein. Puis comme ça m'arrive souvent, j'ai arrêté de penser. Puis ça m'est arrivé en pleine face quand j'étais rendu là-bas. Je me suis retrouvé à Newark, New Jersey. Ça s'appellerait aussi New York, si ça serait juste de moi. Bien sûr, à Newark, New Jersey, c'est aussi la version cheap du Madison Square Garden, soit l'aréna du Devils du New Jersey. Fait que ça part bien. Dans le quartier, c'est tout placardé. Tout ce qui marche, c'est un 7-Eleven, une brasserie qui vend de la bode à 20$, 3-4 crack house. On les salue. C'est pas compliqué. Tu te cherches à te coller de la bonne bouffe créole là-bas, puis c'est pas ce que tu te retrouves dans la bouche. Oh, elle l'a compris. Je n'ai pas poigné, moi. Bonne bouffe créole. BBC. Oh my God. Je la gâche pas plus. Pas cette porn, guys. Non, c'est correct. Je l'ai censuré, mais bon. Bon, bon, hey. C'est une joke de pénis. On... C'est une joke de... Oui, Tommy! Okay. Oui! Ah, bouffe créole! Ben oui! Ah! Ah, j'ai la... Ah. Bois ton punch, Tommy. Ouais, je vais ouvrir mon punch, ça va peut-être aider. C'était le pénis à qui? À BBC. Bon. Bref, là, la vous BBC. Vous demandez... Okay. Pourquoi, Pat? Qu'est-ce que tu faisais à Newark, New Jersey? Il n'y a rien à crisser là-bas. C'est tout placardé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais? Ouais? Bon, ben, je vais sortir du placard. J'aime la K-pop. Y a-tu des pas fans de K-pop ici par huissement? Y a-tu du monde qui peuvent bouer? Ouais, ceux qui n'aiment pas la K-pop, merci, merci. Ceux qui aiment la K-pop, je suis allé voir Big Bang. C'est quoi, t'as brassé dans la table des quirks puis t'es tombé là-dessus? Non, dans le temps, j'étais avec une blonde qui aimait beaucoup aussi la K-pop puis elle s'était retrouvée avec des billets de... une paire de billets pour aller voir Big Bang au New Jersey. Fait qu'on s'est dit, ben fuck it, on va y aller. Ça pourrait pas être pire que d'aller en enfer, puis guess what? Mm-hmm. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Imagine plus Kitten que New Kids on the Block puis Backstreet Boys, mais chanté par des petits Coréens. Mais le pire de tout ça, et c'est vraiment prouvé, j'ai trouvé des statistiques là-dessus, apparemment, un des sons les plus gossants au monde, c'est les fangirls qui crient entre les tunes. Le show, en tant que tel, était correct, mais hostie, fermez-vous la gueule quand ils parlent! Merci. Ils peuvent pas t'entendre. Ouais, ça fait loin, en tout cas. Fait que c'est ça, allez jamais à Newark... Pour voir un show de Bang Bang. Big Bang, Big Bang. C'est ça. Sinon, ça va faire Big Bang dans tes oreilles puis tu vas regretter d'être là. Merci. Yeah. Merci beaucoup, Patrick Raymond, mesdames, messieurs. Ah, c'est apprécié. Un fan de K-pop, toi, Mathieu? J'en ai pas beaucoup écouté, mais j'apprécie quand il y en a, merci. D'ailleurs, parlant de Trou du Diable, ça, c'est de la Trou du Diable, ça, je crois. Eh oui. C'est notre ami Isaac. Moi, j'aime bien ça. Il s'occupe du chapitre douteux à Shawinigan et on va aller faire un spectacle bientôt, en fait. Bon! C'est un jeu live, c'est la cabane à 100. Il va y avoir Ken Mallor qui fait son set de VJ particulier. Puis on a aussi les amis de Punk Fu Zombie qui vont diffuser le film. Avec tout le temps que vous faites 70% depuis si longtemps, vous en avez des amis. Ben, on commence tranquillement. Là. Oui, ben oui, ça t'offre longtemps. On peut demander des services. D'ailleurs, il fait longtemps que je t'en ai pas demandé un, toi. Ouais, ben là. Ouais, on va voir. Non, mais là, en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, je suis allé faire des projections pour ton vernissage. J'ai accroché toutes tes affiches chez nous. Tu viendras voir un vendredi. Ben oui, je suis pas repassé. Tu vas voir, j'ai appelé ça Forêt de Saint-Onge. Ah, que c'est beau. Il y en a plein partout. Ils sont tous là. C'est parfait. On utilise l'espace. T'aimes-tu ça, l'espace? C'est certain que j'aime ça. C'est là que le futur se passe. T'aimes mieux l'espace que les affaires. Oui, ouais. Oui. Surtout quand tu oublies ton affaire dans l'espace, t'as pas gros de chance de le retrouver. Ah, shit, ouais, faut que t'apprennes à faire le deuil. Faut que tu sois assez détaché, t'sais. On passe au prochain, Guillaume. Allô, Tommy. Ça va bien? Ah, Ah, merci. Il faut que je fasse attention à ne pas toucher la chose qu'il ne faut pas toucher. OK. Les choses qu'il ne faut pas toucher, genre, de manière générale, en fait. Ça va bien? Ah, moi, je vis des moments extraordinaires. Mon pote Mathieu est là. On a parlé avec Bruno des Biker Mice oui, from Mars. On a du plaisir. J'ai fini le Transformers. Fait que c'est fait jusqu'à l'année prochaine. Là, on va en avoir un au autre. Au moins. Il y a un autre pour vrai? Un Transformers? Tu niaises-tu? Il va en avoir pour tout le temps. Là. Il paraît qu'il y en a. C'est en 4D puis il y a l'odeur aussi. Ouais. Ils font ça aux États-Unis, puis t'as des projections ça de dos moteur, dans la face. À Niagara, on a vu une place que c'était en 6D. Ah, ça, c'est bon, ça. Il y a 6D maintenant. Fait que là, t'avais les trois, t'avais les odeurs, t'avais le siège qui brasse, puis j'ai pas. L'autre, c'est le temps. C'est le temps qui compte deux fois. C'est le temps. Disons qu'il se passe un laps de temps dans le film, tu vieillis. Ouais, c'est ça. C'est déjà ma fête. Ah oui, c'est bon, ça. Mais toi, quoi de neuf? Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais tu trouves pas que j'ai l'air extrêmement flexible, tonifié et apaisé? Effectivement, t'as l'air de respirer la santé et de dégager une vigueur que je ne te connais pas. T'as l'air de Jay du Temple qui est à Bali, mais avec plus de profondeur. Merci. Mais écoutez, j'ai une seule raison pour tout ça, c'est que j'ai commencé le yoga. Tommy, oui, j'ai commencé le yoga. Chanceux. Je prends de l'avance parce que ça va être obligatoire maintenant que Valérie Plante est mairesse de Montréal. Pour tous les Montréalais. Mais j'ai commencé à faire ça parce que ma blonde, en fait pour avoir des fesses fermes, n'est-ce pas? Moi, j'en fais pour avoir des super pouvoirs. Parce que tu contrôles l'énergie. Tu sais, le yoga, c'est une question beaucoup d'énergie. Puis tout ça, puis je me dis qu'éventuellement, quand je suis très avancé, je vais pouvoir manipuler l'énergie. Puis là, comme régner sur le monde. Et puis... Oh, tu commences petit, genre. Ben, je commençais des vidéos YouTube. Fait que là, je suis comme respiré par le nez. Mais je me dis qu'éventuellement, ça va. T'sais, éventuellement, le ventre. Éventuellement. Mais respirer par le nez, c'est quand même un bon défi, déjà. Ouais. C'est pas si facile. En fait, moi je dis, fais-toi une liste, une checklist des affaires qu'il faut que tu fasses dans ton étape pour dominer le monde. Pour dominer le monde, oui. Mais c'est ça. Mais je commence par respirer par le nez. Puis en ce moment, pour vrai, je fais des exercices, je fais des crises de panique. Parce que j'essaie d'être concentré puis de penser à rien. Mais c'est comme si j'étais tellement habitué que quelque chose me gosse autour de moi que comme je suis pas capable d'être zen, je suis comme quelque chose me gosse en ce moment, puis je vais voir sur Facebook puis je me fais gosser volontairement. Question, t'as-tu peur d'être zen puis que vu que t'es zen, ton désir de régner sur le monde s'estompe? Je pense que tu peux régner sur le monde dans la zénitude mauvaise. Est-ce que c'est un paradoxe être zen et méchant? Je pense pas. Non. Ouais. C'est comme lawful evil. Exactement. Ouais, ouais. Mais là, mon objectif dans ce cas-là. Ouais, je suis content qu'on en parle. En fait, je pense que tu le mérites. Mais en fait, le réel problème que j'avais justement au niveau des valeurs. Attends, c'est les femmes. J'ai problème de femmes? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ton enjeu. Je t'écoute, désolé. De société. Ouais. Les femmes. Mais non, s'il vous plaît. On focus. On a une mairesse, c'est fini le sexisme. Le problème que j'avais, je savais pas si c'est de l'appropriation culturelle, le yoga, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme c'est indien, puis tout ça. Et puis, j'étais pas sûr si c'était correct ou pas d'en faire. Fait que pour être sûr, je le fais en blackface avec une coiffe d'Amérindien. Puis là, comme ça, c'est... J'estompe tous les doutes. Et oui, puis sinon, j'ai remarqué que le yoga, ça attire les chats. Je sais pas si tu sais, mais j'ai un chat, ouais, un jeune chat, il s'appelle Hector, il y a les 2 ans. C'est... Il est formidable, je vous jure, c'est le prochain premier ministre du Canada, ce chat-là. Il est tellement photogénique, c'est un jeune homme très ambitieux. Et puis, c'est ça, ils sont comme attirés. Je sais pas si les chats donc sont attirés par le yoga, parce à cause des énergies, justement, puis ils les ressentent, ou parce que c'est des trous de cul, puis ils veulent t'empêcher de faire ta job, de faire ton activité comme tu veux. Mais le fait est qu'à chaque fois que je fais du yoga, il est comme dans le chemin, et puis... Faut faire attention, je sais pas si c'est les énergies ou quelque chose, mais comme j'ai fait la pose du chat par-dessus mon chat, et puis on a fusionné. J'ai été comme une créature mi-chat, mi-homme pendant une semaine, ça a été l'enfer. Personne ne me servait au restaurant. J'ai été guéri, j'ai commandé un élixir sur le dark web. Personne à qui demander la porte. Non, personne pour m'ouvrir la porte, rien. Mais je suis devenu... La bouffe de chat, quand même, c'est addictif. Ces petites croquettes-là, là, ça devient, tu sais. Tu as beau plus être un homme, un mi-chat, mi-homme, une petite poignée de temps en temps, je veux dire, ça nourrit le guerrier, comme on dit. Et puis, c'est ça. Fait que, mais le problème avec le yoga, comme toutes les bonnes habitudes, puis les régimes, puis ces affaires-là, comme mieux vivre, c'est que c'est dur de garder, comme après que le thrill de faire une bonne chose est passé, tu sais, c'est dur de le conserver dans ses habitudes. Fait que, effectivement. Au début, le yoga, tu sais, je faisais une bonne heure de yoga, tu sais, puis c'était de la relaxation, de l'exercice, les deux en même temps. Puis depuis, comme ça s'effrite un petit peu. Plus je suis rendu à faire comme je prends 15 minutes de ma journée, je fume du pot, je fais les jumping jacks, puis comme j'appelle ça du yoga. Mais tu sais, l'important c'est de persévérer. C'est vrai. C'est qu'on vrai, on c'est va recommencer, puis un jour je vais les avoir mes super pouvoirs, puis là vous rirez plus. Merci beaucoup, Octave, mesdames, messieurs. Oh, wow! Non, mais je pense qu'on peut beaucoup se reconnaître là-dedans. Ben oui. Hein, commencer par une heure de bonnes habitudes, fumer du pot, faire des jumping jacks, ça s'applique à beaucoup de choses. Effectivement, ouais. C'est une allégorie qui fonctionne très bien. C'est ça. C'est quel ton Power Rangers préféré? Hey. Pense-y, on peut y revenir plus tard. Ils sont pas tous pareils? Je pense qu'il y a le noir dans le noir, il y a la chinoise dans le jaune, ouais, la fille blanche dans le rose. Ouais. L'amérindien dans le rouge. Mon préféré, c'est la toune. Moi, j'aime bien la réponse en question. Moi, j'aime bien le vert parce qu'il a cassé la gueule à Van Damme, là, récemment. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un beef depuis longtemps, c'est vrai, ça. C'est parce qu'il s'appelait Tommy, puis je m'en rappelle. Puis là, il est devenu MMA fighter, puis c'est ça. C'est le seul qui avait comme une ceinture verte, fait que lui, il avait le droit d'avoir un dinosaure. Il jouait de la flûte, puis il arrivait, je pense. J'ai jamais écouté Power Rangers de ma vie. Ah oui, c'est ça. Mais non. C'est ça, je sais pas exactement de quoi tu parles non plus. Oui, sûrement. Mais j'avais déjà tout vu ça dans Bioman. Puis là, ils ont juste refilmé des séquences avec les deux losers, puis le monde à l'école qui sont pas vraiment à l'école. Là. Ben, moi, je pensais que les Power Rangers avaient fait du yoga, mais qu'à la place des chats, il y avait des chiens qui se sont fusionnés, puis c'est devenu Pas de Patrouille. C'est pas ça qui est arrivé. Ah, ça, c'est le nouveau, je l'ai vu dernièrement. Ça. Oui. J'ai tapé Dogs dans Netflix. Puis t'as trouvé ça. Ouais. Ils font similairement la même affaire. Il y en a un hostie des affaires. Mais je réalise que la majorité, je les ai déjà vus. Ah. Oui, on fait le tour, on va les avoir. Ben, sinon, je pense que Guillaume va un peu passer au prochain. Ça, c'est mon genre de musique, ça. Merci, Omblet, mesdames, messieurs. Ça fait du bien, ça. C'est très organique. Ah oui, organique, c'est le bon mot. Oui. Hein? C'est vraiment un coat, ça. Ouais, c'est un coat. Oui, bonjour, ça va bien, Tommy? Salut, Simon. Salut. Merci d'avoir parlé de Bioman. Je voulais en parler à soir, mais là, j'étais comme, oh, j'en ai déjà trop parlé. Fait qu'on va parler d'autres choses. excusez-moi. En fait, je me disais, je ne savais pas trop où m'en aller pour ma chronique pour asseoir, puis je me disais, mais ça me fait longtemps que j'ai pas parlé de Canal Famille à 70%. Ah, puis là, ta passion. J'étais comme, OK, c'est au moins un an, je sais pas, j'ai pas compté. Mais en tout cas, fait que là, j'étais comme, de quoi je parle? Parce que tu sais, à un moment donné, parler de Radio Enfer, ça fait son temps, on entend tellement parler, mais maintenant, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe? OK, est-ce que je parle de l'émission Schlack avec Patrick Huneau? Je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée parce que, à part dire que Patrick Huneau, c'est pas le gars qui a inventé le jeu Uno, j'avais pas grand-chose à dire. sinon, après ça, je me suis dit, est-ce que si tu permets, j'ai quelque chose à propos de Schlack. Ouais, ouais, let's go. Je me rappelle parce que c'est un jeu questionnaire, puis à un moment donné, c'est à l'époque où Patrick Swayze, puis là, il pose une question, puis là, il dit « Je suis un acteur ». Là, il y a une fille qui fait « Patrick Swayze ». Oui! ça m'a frappé pas mal. Ça. Oh, wow. Puis là, il brassait un dé, là, il avançait, là, puis tout le monde était mal à l'aise debout sur une case. Ouais, jeu de serpent échelle géant. Allez voir ça sur YouTube si vous connaissez pas ça. C'était capoté. Long live Patrick Huneau, ça l'a dit. Puis, c'était un peu comme Génie en herbe, sauf que tu pouvais inviter un de tes amis qui était un cancre pour faire le pion. Vrai. Ouais, c'est ça, le pion. Ouais, parce que t'avais comme trois équipes. T'avais le génie, la fille qui s'occupait le gars ou la fille qui parlait de pop, puis le pion qui servait de pion d'un jeu de serpent échelle. Après ça, je me suis dit, est-ce que je parle de pas de pitié pour les croissants? Ah oh, oui, c'était bon, ça! Je me suis dit, non, j'ai déjà assez parlé du Club Dorothée à 70% cette année, fait qu'on y reviendra. Et puis même, vous avez enregistré une toune, en fait. Ben, en oui, tout cas, on a les enregistré, costauds, oui, les costauds, avec justement Ken Mallard, qui est là-bas, qui va être là tantôt, qui a fait la basse là-dessus. Ça va être très cool, mais en tout cas, fait que je me suis dit, OK, on va pas là-dessus. Puis là, j'ai découvert, là, la semaine passée, une série du Canal Famille dont j'ignorais l'existence. Puis que ça m'a rendu tellement ému que il faut que je fasse découvrir ça à tout le monde. Ça s'appelle « Quand le cœur attend ». Ah oui, pis, ça... Ouais. Puis là, d'habitude, je tends comme dans les affaires un peu humoristiques. Après, là, c'est du drame. C'est une série très philosophique. Ça met en scène un jeune homme qui s'appelle Patrick... Patrick Baudet. Ouais, Patrick Baudet, interprété par Patrick Boulay. Déjà en partant, on remarque l'originalité du scénariste quand il a fait le casting des noms. Puis ce qui est particulier, c'est que Patrick, il a 19 ans, il va penser à sa vie puis à plein d'affaires philosophiques, mais il va avoir aussi des scènes de Patrick quand il avait 10 ans, qui est interprété par Samuel Gingras. Ce qui est cool avec cette série-là, c'est que c'est tourné à la TUC. Fait que tout le monde a des accents québécois ultra poussés, puis c'est vraiment cool. L'idée, en gros, c'est qu'il y a tout le temps une leçon de vie à chaque épisode. Souvent, ça va parler du deuil ou ça va parler de tu sais, mettons, t'es un enfant de 10 ans, tu vas au camping, ton camping est plate, en face, il y a un camping avec une piscine. Mon Dieu que j'aimerais aller au camping avec une piscine avec le monde riche de la TUC. Ouais, puis finalement, ils réussissent à s'infiltrer dans la piscine, puis là, ils se rendent compte que son ami, qui est un peu plus riche qu'eux, qui est mieux nanti, ben, il est pas très heureux parce que ses parents chicanent tout le temps, puis il achète des vélos, des affaires pour essayer de le rendre heureux. Puis finalement, il se rend compte, ouais, ben finalement, je suis correct dans mon camping de merde avec mes parents qui s'entendent bien. C'est-tu même? C'est-tu la même morale que d'Infable d'Ésope, là, 2500 ans? À peu près, ouais. Ouais, mais ça se passe à la TUC. À la TUC, c'est le Cap de Roche. En 1992, ce qui explique d'ailleurs mon habillement aujourd'hui. Ben, c'est mon habillement de tous les jours, là, ça change rien, mais. Ton commande, il y a rien qui explique rien, mais là, il y a un lien. Ouais. J'ai une question, Simon X Portelance. Oui, comment Mathieu, t'as fait pour mettre la main là-dessus sur cette émission-là? Ah, c'est vers ça que je m'en ai. Hey, t'es un petit vite, toi! Hey, écoute, c'est que le producteur de la série upload les épisodes sur YouTube ces temps-ci. Ok, c'est les masters. Il a pogné un buzz de nostalgie. Là, ouais, puis c'est ça, mais ce qui est triste avec cette émission-là, c'est que. Tu sais, la technique est super belle, la réalisation. C'est probablement l'émission du Canal Famille la mieux réalisée visuellement. C'est cinématographique. C'est une production Canal Famille. Oui, ouais, ben, produit par Jean Mercier pour Canal Famille, mais c'est une production originale québécoise. Une coproduction Québec-Ontario, en fait, parce que c'est aussi diffusé sur TFO. Il n'y a pas d'Ontariens qui vont à la TUC, certains. Non, pas du tout. Mais ce qui était cool avec ça, puis, tu sais. Ben, j'essaie de vous vendre l'idée d'aller écouter cette série-là parce que c'est vraiment, tu sais, tout le monde a oublié l'existence de cette série-là, mais il y a quand même des bonnes affaires. Mais le clash qui est cool là-dedans, c'est que la technique est ultra belle, ultra léchée, mais le jeu d'acteur est pourri, mais solide. Puis ça me fait capoter, ça me rend heureux. Puis c'est ça. Fait que les acteurs ont quel âge? Ben, ça dépend. Ben, le personnage principal a 19 ans. Puis l'acteur a 19 ans aussi, mais c'est qu'il y a aussi des scènes de flashback de quand il avait 10 ans. Fait que chaque personnage est comme casté à deux époques. C'est ça qui est hot. Ben, les adultes, c'est le même acteur qui fait, ils vont rien que changer certains accessoires. Mais c'est vraiment cool. Puis une autre affaire, je vais finir là-dessus, qui m'a vraiment marqué dans cette série-là, c'est de remarquer à quel point les gens en 1991 pensaient. Parce qu'il y a énormément de scènes où ce que Patrick est couché sur son hamac en train de réfléchir à sa vie. Ah. De philosopher, puis ça, on le fait plus. On ne fait plus. On a des rectangles de poche à star. Mais à l'époque, on avait besoin de succéder à la superficialité des années 80. Donc c'était exact, fait qu'on réfléchissait. Puis ça m'a amené à réfléchir, moi aussi, puis à me dire, je ne réfléchis plus assez. Puis je me donne des petits moments depuis. C'est Patrick Boulay, mon modèle de vie, qui m'a montré, ben faut que je réfléchisse c'est bon, de temps en temps. Fait comme Octave fait du yoga, man. Ah, ben oui, ben, santé. Hey, on ira ensemble, ça serait cool, j'ai jamais fait ça. Mais tout ça pour dire, quand le cœur attend, sur YouTube, allez voir ça, il y a peut-être 7-8 épisodes online en ce moment. Oui, c'est de la publicité gratuite que je fais pour cette série-là, mais ben c'est oui, vraiment oui. meilleur que Radio Enfer, fait qu'allez écouter ça. Je sais pas si ça s'appelle de la publicité, mais en tout cas, on va aller voir ça. Ouais, merci non, beaucoup. Pour vrai, c'est malade. Simon Portelance, mesdames. J'avais pas tant de gags que ça à soir, je voulais vous convaincre d'aller écouter cette série. C'est bien correct, c'est bien correct. C'est très bon. C'est plus comme une critique de quand le cœur attend. En ouais, fait, ouais, c'est ça. C'est une ça. Critique constructive oui, et positive. Et positive. Constructive. Pas vraiment constructif, mais positif. Au cas où que jamais ils veulent en refaire d'autres. Oui, ouais, c'est ça, engager des acteurs qui savent jouer, le reste est bon. Mais c'est quand même assez couillu d'y aller sur deux générations. Genre. C'est comme, ça me fait penser à Boyhood. Tu sais que ce film-là, ça a pris 12 ans à faire. 13 ans à faire. Calme. Ils ont commencé, puis 13 ans après, il y avait quelque chose. C'est un chef-d'œuvre. C'est capoté. C'est le meilleur film de tous les temps. Ben oui, ça a pris 13 ans à faire. Ben oui, c'est sûr. Tu connais ce film-là, Boyhood? Ben non. Ça a pris 13 ans à faire. Cherche la quantité de films qui ont pris 13 ans à faire. Il y en a un. Tu vas être tombé dessus. Boyhood. Ouais. Boyhood. Ah, c'est platant. Non, c'est un chef-d'œuvre. Ça a pris 13 ans. C'est le meilleur film de tous les temps. Ça a pris 13 ans. C'est meilleur que toi, la quatrième dimension. C'est meilleur que Rogers Normandin. Shit, va pas là. Mais, toi, t'as-tu déjà pris 13 ans pour faire quelque chose? J'ai commencé à écrire un film en 2002. C'est pas encore fini. Et à chaque fois que je suis arrivé pour le refaire, j'évoluais au fil des années. Puis à un moment donné, j'ai dit ça va être une pièce de théâtre. Puis là, à un moment donné, je trouvais que c'était trop cégep. Parce qu'à un moment donné, t'écris quand t'as une commencé affaire, à l'écrire quand tu sors au cégep, c'était comme ouais, ça paraît que j'étais à Saint-Lô dans ce temps-là. Hein. Puis là, ça change. Puis là, à un moment donné, c'est comme ouais, je voulais dire bien des affaires, mais j'ai oublié d'être drôle. Fait que je rajoute des affaires. Puis dans les dernières années, je voulais que ça sorte. Parce que ça fait longtemps, ça fait comme. Plus depuis que 13 2002, ans. J'entends ça fait plus ça. Que 13 ans. Puis à chaque fois, il s'est passé quelque chose que j'ai fait d'autres choses à la place. Puis j'ai toujours mis ça sur la sellette. Puis là, je me dis peut-être que 2018 sera l'année où enfin, ça va sortir. C'est à propos de quoi? C'est à propos... Oh, c'est très dur de synopsiser le tout. Un vendeur de Paget qui est rendu... Ça, là, quand tu commences de même avec un producteur, en général, là, il fait comme « on le fait ». Ah ouais, un vendeur de Paget. C'est genre une famille qui n'est pas vraiment une famille parce qu'ils ne s'appellent pas papa, maman et tout ça, qui sont pognés ensemble. Ils font beaucoup de ménage. Je me suis dit, tu sais, les gens vont jamais aux toilettes quand c'est des séries, tu sais, c'est parce que c'est vrai. Mm-hmm. Mais le monde, c'est rare qu'ils font du ménage puis qu'on les voit faire du ménage longtemps. Aussi. Sauf dans des montages de ménage. Puis leur ménage, c'est quand il y a quelqu'un qui est frustré, qui va dire, moi, il parlait quand il va revenir, il va ramasser. C'est ça, le ménage est comme un genre de prétexte à être fâché contre quelqu'un qui arrive. Ben oui. Et une série qui était sur le ménage, on s'en souvient, c'est Marilyn. Oui. Parce que Marilyn faisait du ménage dans chaque maison. Puis elle était à la mairie aussi. Elle a fini d'être à la mairie, mais tout le long. Première mairesse de Montréal. Elle a véhiculé ses idées en torchant des maisons. Puis elle était là. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Puis elle avait son plumeau. Puis. Mais elle faisait jamais du ménage, mais elle avait toujours une guenille dans les mains. Mais elle te garochait ses idées. Puis. Mais on la voyait jamais comme pendant 3-4 minutes juste faire du ménage puis se parler tout seul. Mais ça va être du monde qui va faire du ménage. Mais là, je veux pas vendre mes punchs avant de l'avoir. Non, mais c'est correct. On a très hâte de voir ça. Parle de ménage. Mais c'est si pas t'as besoin de quelqu'un qui fait du ménage, moi, je suis disponible. Mais c'est pas du vrai ménage qu'ils font. Des métaphores de ménage. C'est des métaphores de ménage. Fait que ça reste salé. Oui. Ils peuvent en leur refaire à chaque jour. Ben, c'est plus compliqué que ça. C'est que... On va-tu au prochain chroniqueur puis on s'en reparle? On pourrait. S'il y en a un autre qui arrive, long, là. Est-ce que ça va être un autre homme blanc qui a à peu près notre âge ou... Oh, yeah. on a toutes sortes de... Ben non, Octave, c'est pas un homme. OK, bon. OK, next, Guillaume. Mathieu, t'as l'air, t'as l'air déçu par la vie aujourd'hui. Ben oui, parce que je suis né homme blanc, cis, avec un pénis, puis c'est comme ça, asti, je suis tanné. Puis t'as un micro dans les mains. J'ai un micro dans les mains, j'ai un énorme privilège, faites-en pas. Bon, tant qu'on l'a... Je le frotte tout le temps avant de me coucher le soir. Ton micro? Mon privilège. Ton privilège, OK. Voilà. Ben, faut laisser d'autres personnes le frotter. Ça, c'est vrai. Oh, son privilège est très, très bien tended to. Il est très poli. Je prends la planche qui m'est désignée. Je sais pas. Moi, je crois aux autres vies. Si dans une autre vie, je suis quelqu'un d'autre, je serais très heureux. Ah, mais c'est pas grave. Pendant qu'on fait ça, à pas faire d'argent, il y a des femmes qui sont médecins. Oui, ben exactement. Les femmes, hein? Tellement! Ça, non, mais. Ah oui, non, ça sent bon, ça a le droit de vote. Ouais. Non, c'est un sujet glissant. OK. C'est un sujet glissant. OK, je ne vais pas te pousser non, davantage sur la pente. OK, c'est bon. Toc, toc, toc. Qui est là? Oui, qui est là? Frère. Frère qui? Le frère pervers. Dans le fond d'un purgatoire qui viole l'enfance d'un enfant. Ouais. Ça fesse, hein? Ça fesse quand on a la main au cul, hein? Hein? Ben ouais. Madame, c'est vrai, on sait bien, nous autres, hein? Le mythe du bon vieux curé qui s'occupe bien de sa paroisse, puis tout, hein, on oublie ça, hein? Ah ouais, dans le terroir! Dans le terroir avec le folklore puis l'indépendance, ah ouais! Oh, gros statement! Puis pourquoi? Pourquoi? Pas à cause de ses bonnes valeurs, non, non, non, non, non, non! À cause de moi! Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Le frère pervers. Non, non, non, mais... Ça s'en va où? On le salue? Non, c'est correct. Le frère pervers, celui qui gâche toutes les fêtes où ceux qui ne sont pas creux sont invités, mais ne viennent plus. Ne viennent plus car l'autre nous montre son cul. L'un préfère les rouquines et l'autre le fruit défendu. Je veux bien porter un string transparent à condition que ce soit dans un parc pendant le festival Juste pour rire. À date, ça dérange-tu quelqu'un? Le frère pervers. Toc, toc, toc. Qui est là? Denis. Denis qui? Des Nicodères? Non! Valérie Plante. Ouais! Hein, tu tombes des nues, monsieur? Je suis capable de mâcher de la gomme puis marcher en même temps? Hein, tu vas te financer ton stade de baseball autrement? Mais oui, tu ressemblais plus à un mascotte qu'au gérant. Si tu catch que je veux dire. Catch! Oh! T'es que... On va voir à l'évolution de ta carrière, mon Denis. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est naturel, ça te va bien. C'est de l'appropriation culturelle de gros, par contre. Va certainement falloir que je m'excuse pour quelque chose. Non! Mais attention, ça va en choquer plusieurs. Ça va en choquer plusieurs, mais moi, tout ce que j'y souhaite à lui, là, c'est qu'il aille enfin le temps de s'occuper de son fils. Qui est. Ah oui, c'est vrai, il a fait quelque chose, hein? Ouais. On a vu ça dans les nouvelles. Ce serait peut-être temps qu'il s'en occupe. Puis Valérie Plante, là, ben tout ce que j'y souhaite, c'est de pas trop tomber de haut. Parce que quand même que t'es la première mairesse de Montréal. Wouhou! Ben ça se peut que tu puisses quand même pas donner ton avis sur ce qui est en train de se jaser autour de la table. Ah! C'est comme ça, un mardi soir avec un petit risotto à 500$, offert par la maison en échange d'une petite réduction ici, puis d'une petite passe molle par là. Un risotto avec une réduction de quoi? De vinaigre de balsam. Ça, c'est toi qui le sais. Non, mais c'est parce que Mathieu, c'est un artiste. C'est qui remplit les bas avec des enveloppes remplies d'argent blanchi, du crime organisé? Parce que là, ça n'a peut-être pas rapport, mais en tout cas, bonne chance Valérie pour te promener avec des enveloppes dans tes bas collants, on va toutes les voir. Parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave, il n'y a plus personne qui croit personne. Ça, c'est vrai, ça. Crois-moi. Personne qui croit... On prend un appel. Oui, allô? Qu'est-ce que Guy Lepage a d'affaire à nous trouver Claude Pelgag plate parce que sa vie est pas un drame, puis qui se met à faire des jokes quand les politiciens s'engueulent comme les enfants? Dans quelle hostie de société de 2017 on est au Québec? Ben d'accord avec vous, monsieur. On prend un autre appel. Toc, toc, toc! Qui est là? Guy? Guy qui? Guy Nantel? Oh non, pas lui. On rentre là-dedans. Attention! Attention! Dans tout. Attention, on me dit, dans ce qui semble être une très mauvaise joke d'oreillette, que l'humour de Guy Nantel serait corrosif. Je le sais, tu te dis. C'est sûr que Cave de même, il a entendu ça à Denis Lévesque. En effet. J'ai entendu ça à Denis Lévesque, mais le point est quand même que c'est ici que vous avez entendu cette joke-là pour la deuxième fois. Pas dans le show de François Mascotte. Oh. Et à la base, c'était pas une joke non plus. Là, c'est là, ça. C'est quoi les degrés, là? Ben, t'as corrosif, contestateur qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, puis de la relève, je pense. Bref, c'était juste une phrase. Allez, Maé! Allez, Maé! Allez, Maé! Allez, Maé! Allez, Maé! Allez, Maé! J'aurais aidé le Québec du mieux que je pouvais. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Lui, il est là à chaque semaine. Ouais, ouais, ouais. Oh, ben, il se donne de même à chaque semaine. Ça dépend. Là, des fois, c'est moins bon. Fait que ça n'était une, c'était une intense, ça. Ben okay. Mathieu, il est intense. Ah oui, c'est ça. Ben, je vois c'est, ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est notre mascotte, c'est notre porte-bonheur. Depuis que Mathieu il est là, tout va bien partout. Bon, ben parfait. Hein, Mathieu? Il nous a pas envoyé chier par contre à soi. Ah, il envoie chier triste. Le monde? Ah, ben ouais, rare, rendu là un moment donné. Non, ça. Mais il envoie chier au quatrième niveau. C'est ça, je pense que c'est universellement. À tous les niveaux, ouais. Oh, t'es-tu prêt pour le prochain? Ben oui, ben oui. Ça va pas pire à date, ton 70%? Ben, j'ai peur de donner plus que 70%, c'est ça le problème. On va vivre avec. Faudrait que. T'as peur de donner plus parce que tu donnes pas trop. Parce que je donne pas OK, c'est ça. C'est ça. Je vais modérer. C'est non, non, c'est correct. Hein, tout s'est métamorphosé. Let's go, Guillaume, on s'en va au prochain. Essaye de décoller, là. Hein? Ah, c'est toi? Ah, ça, c'est excellent, ça. Excusez. C'est ta toune. Ah! Non, ça marche pas encore. A cappella! Ça, c'est du vrai bon 70%. I'm gonna raise it to the ground. Nobody's gonna take my car, I'm gonna reach the speed of sound. Oh, oh, it's a killing machine, he's got everything. Brand new tire, a big fucking engine, and everything. T'es-tu prête, là? I need it, I want it. Ah, t'es prête, là, parce que moi, je chante pas haut de même, d'habitude, là. Je me rends pas là. Ouais, là, je te laisse aller, t'es là. Tellement balèze. C'est cool. Merci, vieux. Bonsoir. Bonsoir, c'est Ken Mallard et vous écoutez un podcast dans un podcast. Générique. Un podcast dans un podcast, c'est un podcast dans un podcast, c'est un podcast dans un podcast, c'est un podcast dans un podcast. Un autre podcast dans un podcast, c'est un podcast dans un podcast, dans un podcast, et encore un autre podcast, ouais. Un podcast dans un podcast, c'est un concept hallucinant. Tu mets un podcast dans un autre podcast et c'est super chiant. Personne comprend ce qui se passe sur cette, mais ça, on s'en fout parce qu'on n'est pas très bien payé, pas trop cher, et ça, c'est bien, c'est chouette. Tu peux en mettre un ou deux. 3 ou 4 ou 5, c'est un podcast dans un podcast et un podcast dans un podcast, un podcast dans un podcast. Salut, c'est Ken Mallard, vous écoutez un podcast dans un podcast, un podcast dans un podcast qui pirate les autres podcasts et qui squatte les autres podcasts. Ce soir, je suis accompagné de mon magnifique house band, monsieur Jonathan Simon, qui ne sait pas jouer de mélodica. Une main d'applaudissement. Hey. Merci. Et il va nous prouver qu'il ne sait pas jouer de mélodica. Je vais faire venir mon unique invité, mademoiselle Clémentine Kimball. Mesdames, messieurs, Clémentine Kimball, s'il vous plaît. Merci, Jonathan Simon. Bonsoir Clémentine, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Oui, ça va plutôt pas mal. Tu es réalisatrice de talent et tu as eu un succès récemment avec Va te faire enculer le film. Oui, oui. Donc tu as réalisé ce film-là qui a eu d'excellentes critiques et d'excellents retours. Oui, oui, ça s'est super bien passé. On a fait plein de festivals dans des appartements à Paris, dans le 16e arrondissement. Ouais. Oui, oui, justement, le film a été nominé pour le Festival du film. C'est un peu long. Il était nominé au Festival du film français qui se passe dans un appartement parisien super cher où il ne se passe rien pendant 1h30. Exactement, dans le 16e. C'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Tu viens nous présenter ton nouveau film. Oui, Suce un œuf, le film. Voilà, Suce un œuf, le film. On va passer la bande-annonce, s'il vous plaît. Yay. Après le triomphe de Va te faire enculer le film. Où es-tu, Laetitia ? Clémentine Kimball revient nous présenter son nouveau chef-d'œuvre. Suce un œuf, le film. Tu peux pas comprendre ce que je vis en ce moment ! Basé sur le best-seller écrit par Jean Poulet. Tu crois que c'est simple pour moi aussi ? Ben non ! Un drame social dans un appartement vide. Depuis quand ? Depuis quand ? Où les cœurs volent et se brisent contre les arbres. Tu as ce moteur ! Je ne voulais pas te faire pleurer. Damnée soit cette planète. Damnée soit-elle. Pour les fêtes, offrez-vous une œuvre cinématographique de renom. Regarde! Regarde, je vole sur tes cheveux! Suce un œuf le film. Sorti le 12. J'ai grand hâte d'aller le voir. Ça a l'air excellent. De quoi ça parle un peu? En fait, c'est une crise environnementale qui se passe en Serbie, un peu en Croatie aussi. Il y a eu beaucoup de drames qui se sont passés là-bas chez les Français expatriés dans ce coin-là. Mm-hmm. Puis j'ai voulu aller documenter un peu la crise qui se passait dans leurs appartements parce que les appartements sont plus grands, sont moins chers, mais sont moins beaux. D'accord. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent exporter les appartements parisiens, c'est exactement. Ça? Exactement. OK. Je sais que la musique est quelque chose de très important dans tes films. On va passer un bout de musique expérimentale oui. par Sprotz Denog, un artiste qu'on connaît tous, du Myland, oui. en crocs et en peignoir dans les rues du Myland, s'il vous plaît. Denog, c'est marrant. Quand il m'a envoyé le morceau, pour moi, ça me paraissait vachement court. Puis là, maintenant, forcément, oui. ça me semble plus long. Non, c'est un des meilleurs extraits. C'est une bonté, une montée dans la musique d'ambiance. Ben, tu ne connais pas le principe de l'émission. Ça tombe très bien. Oui. J'ai un chroniqueur. J'appelle tout de suite. Okay. Je m'appelle tout de suite Bill. Oui. Alors, Bill, ça va? Allô? Ça roule? Ouais. C'était Bill, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. C'est comme ça? Et donc, c'est ça? Oui, c'était ça. Merci, Bill. Ouais. La dernière fois, j'étais d'une file d'attente. 3 de large. Je suis sorti, j'étais allé chez nous. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Peux-tu m'en aller? Oui, oui, tu peux t'en aller. Merci beaucoup. Monsieur Bill, s'il vous plaît. Un de nos meilleurs chroniqueurs. Donc, tu ne connais pas le concept de l'émission. Et donc, tu sais qu'il y a un jeu. J'ai fait un jeu pour un toi jeu, oui, qui oui. s'appelle Une bonne réponse ou un œuf sur la gueule. Tout de suite, générique. Non, c'était l'autre. Coupé, c'est bon, c'est pas grave. C'est complètement inexistentiel. Donc, tu vas retirer ton chapeau comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, la question, c'est dans quelle saga intergalactique on peut entendre un jeune sot dire merde à une espèce de merde verte? Et dans quel épisode? L'épisode 5 de la guerre des étoiles. Ok, très bien. Comment sait-on si un œuf est pourri? Monte-t-il dans le ciel ou descend-il? Il monte. Il monte? Ok, très bien. Dans quel... Perdu. Merci, c'était un podcast dans un podcast. À la semaine prochaine, on se retrouve dans Décidéré. Je voudrais remercier grandement le concours de Mathieu, Marianne, Jo Simon, Clémentine Kimball, Élise Laflamme et 70%. Merci, à bientôt. Wow, ok, c'était une première. On est content d'avoir participé à la première de un podcast dans un podcast. Ok, vous êtes comme laissé. Comme... Moi, je suis pas au courant de ce que les chroniqueurs amènent. Je ne savais pas que ça s'en venait. OK, ah, bon. Ouais, non, ouais. Ben, je pense que le shoegaze s'est fait redonner ses lettres de noblesse. Le quoi? Le shoegaze. Ben, tu sais, comme quand il y a ben gros de la réverbération, là. OK. Il était temps qu'on aille du nouveau dans ce domaine musical-là. OK, toi, tu parles de l'artiste de l'œuvre ouais, musicale ouais, ouais, de l'artiste ouais, ouais, ouais. Schlopler Kern. Schnurks? C'est ça. Sprotz de Nog. Ça vous a paru long, mais moi, j'en aurais écouté des heures. Ben, je pense que je peux t'arranger ça. Surtout que toi, t'es rendu riche, là. Tu fais partie des médias, t'as de l'argent payé en essai. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ils cherchent des featurings, ils sont chauds tout le temps, gros de même. Tu parles du Canada, hein? Tu sais que c'est moi qui ai fait élire Justin Trudeau? Ah ouais? Non, j'ai gagné mes élections. Colin, mon slogan aux dernières élections, c'était « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». Ah oui, c'est vrai. Puis j'ai tellement divisé le vote qu'il est passé majoritaire. C'est fou, ça. Ouais. Moi, Villeray s'attendait pas à ça. C'est une des plus grandes victoires de ma vie, ça. C'est sûr et certain. Puis il m'a pas encore appelé me remercier, mais je... Ah, il y a une couple de dossiers à gérer avant. Tu as écrit pour lui dire que c'était grâce ouais, à toi? Oui, j'ai écrit. Puis il t'a pas répondu? Le tabarnak. OK, on passe au prochain. On est rendu à la fin des chroniqueurs, non? Ça s'en vient. Ah, c'est Richard, il est à Astro. Ah, oh, ben, il est encore qui fait notre chronique. Richard, du Lazède, de la Sirois. Je suis arrivé ici de bonne humeur. Non, mais ça me fuck venir ici. Tu sais, comme je l'ai dit souvent, mais de 16 à 19 ans, j'ai pris beaucoup de drogue, beaucoup de mescaline. Puis j'ai fumé, puis du hash, puis tout. Puis quand j'en prenais beaucoup, j'étais comme toujours comme Mathieu Boudreau. Puis toute la musique que j'écoutais, c'était comme ce qu'on a entendu tantôt. C'était toujours Pink Floyd, mais ça sonnait comme ça. Oui. C'était toujours Echoes de Pink Floyd, puis ça durait des heures, c'est 19 minutes. Puis je suis arrivé ici de bonne humeur, puis à cause de Mathieu Saint-Onge, esti de Mathieu, je me sens comme d'un film d'Hitchcock. Dans un film d'Hitchcock, il y a toujours un événement déclencheur qui fait que le personnage vire dingue. Une goutte de sang, puis la fille à vire folle. Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'écoutais Mathieu au début, puis il parlait de sa carrière du worst of au best of. Là, j'étais assis à la table du fond, puis je me disais, ah, si, j'ai juste des souvenirs de worst of. Quand on y pense, ça vient en vrai. J'ai juste ça, puis là, je me suis mis à faire l'exercice que j'ai jamais fait de ma vie. Puis ça m'a réveillé quelque chose en moi que j'aurais voulu enfouir pour le reste de mes jours. À cause de toi, Mathieu. Ah, ben, c'est que, il y a une vingtaine d'années, je présentais un prix live au gala de la disque pendant une pause publicitaire. Et là, il y a comme 1 million d'enveloppes dans l'entrée du Théâtre Saint-Denis. Moi, il faut que j'aille en pigeonne au milieu. C'est en direct. On est supposé être une gang de c'est quoi, puis il me crisse là tout seul avec un monsieur d'une pharmacie qui est comme terrorisé, puis ça ne tente pas d'être là. Mais juste avant la pause publicitaire, il y a un producteur qui a fait un arrêt cardiaque sur scène live. Voyons, tabarnak, c'est quoi? C'est le show maudit? Il s'appelait Richard Martin, il est pas mort. Okay. Son pacemaker Fait que là, ils ont coupé invention ça. Canadienne? Oui, il y a une vingtaine d'années, c'est vrai, là, c'est véridique. Puis, ils ont coupé ça là. Puis après, ils ont dit, on passe à la pause, il faut que je fasse un tirage. Il faut qu'on ait du fun. Live, il faut qu'on ait du fun. Puis là, je viens de voir le monsieur. Fait que ça, c'est mon worst of. Ben, c'est un mauvais souvenir, mais t'étais pas responsable. C'est pas comme non, si... mais c'est moi, c'était moi l'image quand même du tirage. Oui, c'est ça. C'est... Le ça, c'est mon ben, en tout cas, ça a fait remonter ça, mais c'est un... Oui, tu m'as fait ressortir ça. Ben, ça montre que la vie, c'est chaotique. Je voulais parler de rire, je voulais parler d'autres choses. Mais... c'est toi, dude. À date, tu nous as quand même servi pas mal. En 1984, l'Université du Michigan a fait une expérience qui, pour moi, est la plus grande expérience scientifique de tous les temps. Département de philosophie, ils ont sorti 178 cartes de joueurs de baseball décédés. Tous ceux qui souriaient sur la carte ont vécu en moyenne 78 ans et ceux qui ne souriaient pas ont vécu en moyenne 72 ans. Expérience véridique. Ah oui, ben je... J'ai un autre worst of. Est-ce que c'est... Ça a tout remonté. Ça a brossé le marécage. C'est excellent. J'ai un autre worst of. À cause de toi, tu fuck ma soirée, j'arrive ici de bonne humeur. C'est l'effet Saint-Onge. En 1980... Oui, c'est l'effet Saint-Onge. On va appeler ça de même, l'effet Saint-Onge. En 1984, On fait des shows du midi dans les cégeps qui s'appellent la tournée mondiale des cégeps de Montréal. Oui. Les salles sont tout le temps vides. Vides, vides, vides. Il n'y a personne. Fait qu'on se déguise, on va dans la cafétéria puis on va chercher du monde pour venir voir notre show. Puis il y en a en moyenne 20, 25, 30. Puis notre show, il dure 2 heures, mais la pause midi dans les cégeps, c'est 1h15, 1h30. Fait que quand la cloche sonne, la salle se vide, mais notre show n'est pas fini. Et là, dans une des salles, il y a un Français de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui est en état d'ébriété. L'alcool se profondément. Et là, il nous dit, aimeriez-vous venir faire ça en France? Là, il n'y en a aucun de nous autres qui n'a jamais pris l'avion. Fait qu'on se ramasse à Montpellier devant une salle assez pleine dans un festival d'humour, puis on prend le même show qu'on fait dans un cégep qui ne marche pas en tout. Où les salles sont vides, mais on fait le même show, la même affaire, mais en parlant à la française mal. Ah, oh, vous avez trafiqué votre accent, là. Parce qu'on avait un sketch de deux gars gelés qui cherchent leur billet au forum, puis il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, genre, t'as acheté des crises de mauvais billets, Chris, je suis dans le pit, hostie, puis on va voir Black Sabbath maintenant. Puis là, Guy et moi, on entre sur scène, début du show, premier. Puis là, c'est genre, fichtre que je suis mal placé. On est dos à la foule, puis on est les deux derniers spectateurs qui rentrent dans la salle, okay. Puis ils cherchent leur place. Et là, au bout de 30 secondes, ouais. Allez, worst of. Okay. Au bout de 30 secondes, il y a quelqu'un dans la salle qui crie « Remboursement! » Et notre show dure 2 heures. Et... T'as le goût que le temps s'accélère. Il a mis les Traction 8, lui, quelque chose. Et mon autre worst of qui vient de m'arriver encore, après, je sors mes feuilles, OK? Parce que là, je suis plus capable. Ça, et toi, Richard, on est bien content que tu sois avec nous. Je sens qu'il faut que ça sorte. Là, ça me fait mal, c'est une thérapie, parce que je ne voulais plus jamais parler de ça. Je m'en rappelais même plus. En 1981, on était à CIBL, puis notre émission... L'effet Saint-Ange. Ça fait longtemps. Oui, oui. Mais tu vois comment j'ai voulu enfouir ça longtemps. En 1981, on est à CIBL, puis notre show, c'est de 9h à minuit, puis on boit beaucoup, puis on fume beaucoup, puis on prend beaucoup de drogue, puis... À minuit, tout le monde s'en va. Mais à CIBL, il n'y a pas de contrôle dans ce temps-là. On est dans Hochelaga Maisonneuve. Puis, Y en a-tu, plus maintenant? Ouais, pas mal. Je pense, oui. Okay. Mais nous, on est au pavillon d'éducation communautaire. Puis, il n'y a pas de contrôle. Puis, on est en 81. C'est l'époque punk violente un peu. Puis, il y a des squatters dans Hochelaga Maisonneuve qui mettent le feu dans un building. Puis, là, je suis le dernier à sortir du studio. Il est minuit. Puis, au bout du corridor, je vois deux monstres préhistoriques punk. Cuir, automutilé, tu sais, comme... Là, je me dis, ah, si je meurs, je suis sûr que je vais mourir. Je sens qu'ils ont un regard vraiment agressif, puis ils vont me sauter dessus. Fait que là, j'y pense, puis ça me fait des... Fait que ouais, là, on te sent nerveux. Là, ben oui, il y a juste comme un corridor, puis il faut que je passe à travers ces deux gars-là qui mesurent 6 pieds 2. Tu sais, ils sont épeurants. Puis, t'en es-tu sorti? Hein? J'avance vers eux, puis il y en a qui me dit, c'est vraiment bon, votre show radio. Aïe, aïe. Oh. Fini les worst of. Ils vont peut-être m'en arriver d'autres pendant que je sors mes feuilles. Suite au succès de ma... Parce que, tu sais, j'ai longtemps voulu meubler ma vie de choses inutiles. Puis ce que je fais souvent quand je m'ennuie, au lieu de regarder la pornographie ou les reprises du Canadien, j'essaie de trouver des statistiques sur le web. En moyenne, on raconte... C'est vraiment triste. Oui, non, j'ai pas de... C'est bon, je me reconnais là-dedans un peu. Là. Non, mais je l'ai compté ici, mais il y a peut-être du nouveau public qui se renouvelle en chaque... J'ai déjà collectionné tous les Reader's Digest en français qui existaient depuis 1944. J'en avais des centaines. Ça, ça vaut cher, ça. C'est que j'ai collection. Donné ça à mon frère une fois que ma collection... Je c'est lui qui est en France? Il dit, non, pas mon frère qui est en France. Un autre? Oui, collection de tirouettes, toi, tu sais, après ça. On l'invitera à un moment donné. Il va nous parler de tes mauvais coups que toi, t'as oublié. Mon frère en France, ou l'autre? Ben, l'autre, le n'importe quel tirouette, on les veut. OK, je vais faire j'ai des statistiques inutiles. Tout est vrai, mais c'est totalement inutile. J'essaie de meubler la soirée de moments inutiles. En moyenne, on raconte 19 mensonges par jour. Exemple, la plupart de ces mensonges-là sont vraiment... ça pourrait être genre... ça te fait vraiment bien ta nouvelle coupe de cheveux, Tommy. C'est un exemple. C'est un concept qui n'existe pas, ça. À chaque 1500 rêves, on fait un cauchemar. Ah, mais ça, c'est une moyenne. Il y a quelqu'un qui est angoissé. Si ça continue, je fais une expérience. Je fais une expérience scientifique ici tantôt, là. On est prêt. Oh, yeah. Oh. OK. Il a mis des roofies dans toutes vos verres. Avant de commencer la maternelle, un enfant aura vu 5000 heures de télévision. Puis il y en a genre 3000 que c'est le même épisode de Caillou. Ça se peut que ça soit toujours le même. À chaque 3 secondes, à quelque part dans le monde, il y a un party Tupperware qui commence. Une personne se mouche en moyenne 256 fois par année. Vous lèverez la main si la prochaine statistique correspond à votre réalité. La moitié de la population américaine habite à moins de 100 km de son lieu de naissance. Non? Il y en a qui habitent à moins d'une heure de route d'ici, qui sont nés à moins d'une heure de route. Ça marche pas, ça. À plus d'une heure. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas un échantillon convenable non plus. Là. Ça sera pas long, j'ai presque fini. Depuis 4000 ans, il n'y a aucun nouvel animal qui a été domestiqué. Oh! Réel. Ah. Oh, ouais. Depuis 4000 ans. Même pas les hérissons, ça fait longtemps, les hérissons. Qui? Bon, ça, c'est une nouvelle affaire. Ben, ouais, il n'a pas été domestiqué. Non, faut pas répondre à Patrick Raymond quand il parle. C'est vrai, ça. C'est vrai que ça manque à la culture hipster d'avoir un nouvel animal. Oui, ça serait bon. C'est vrai. Si tous les Chinois et les Chinoises marchaient un arrière de l'autre, la ligne s'arrêterait jamais parce qu'il y aurait toujours un nouveau-né pour s'ajouter à la file. Oh. Le premier jouet annoncé à la télévision, Monsieur Patate. Ah. On salue. On retrouve le mot « honey » dans 14 chansons différentes des Beatles. Ma vie est vraiment d'un ennui mortel. Je passe mes soirées. Il m'en reste pas beaucoup. On passe 6 mois de notre vie à attendre à un feu rouge. Oh, tabarnak! Ah! Et mais c'est pire à Montréal, je suis certain. On sauve quand même pas mal de mois de notre vie en char aussi, par contre. On sauve pas mal de temps en vélo aussi, quand il n'y a pas de police, puis qu'on est hypocrite, puis qu'on fait comme... Hein? Le Titanic a été le premier bateau sur lequel on retrouvait une piscine. Oh. C'est véridique. Une vraiment grosse piscine, là. Non, mais il y en a pour tous les goûts. Tu peux toujours aller chercher une joke qui te plaît à travers ça. En 1952, la reine Elisabeth a été choisie par le magazine Time homme de l'année. Oui. Véridique. 400 Américains. Parce que dans le temps, c'était pas personne de l'année. Elle aurait pu gagner quoi, sinon? Parce que maintenant, c'est personne de l'année. Maintenant, c'est person of the year. Ouais. C'était man of the year. Ouais. OK. Ouais. OK. Garde, ça avance lentement. Sois attentif, il m'en reste 4. Oui, oui. 400 Américains sont blessés à chaque année à cause du couvert de leur bol de toilette. On les salue. En moyenne, 100 personnes par année s'étouffent à mort avec leur stylo aux États-Unis. Seulement une personne sur 2 milliards va vivre jusqu'à 115 ans. Et dans l'année qui vient, vous avez une chance sur 3000 de vous crisser un coup de marteau sur le pouce. Oh! Ah, OK, j'essaye quelque chose. Okay? C'est un beau résumé. Comme un... Est-ce que ça nous tente que Richard essaye quelque chose? Non, ça va durer 4 minutes. Oui. 4 minutes. Je pense qu'on a un consensus. Il y a quelqu'un qui fait un facepalm là-bas. Là, mais... ça va... Non, t'as-tu un coupon de pichet de bière pour quelqu'un qui pourrait gagner un ou deux, je ne sais pas, t'arrangeras ça comme tu veux. J'ai aucune idée si ça va marcher, ça se peut que ça ne marche pas pantoute. La seule condition, puis c'est pas... Ben, ça pourrait être comme un jeu de ma tante qu'on joue à Noël, tu sais, quand on se met un carton dans le front, mais... Mais la seule affaire, ça va durer 3 minutes, il faudrait que tous les gars se lèvent, sans exception, pour que je fasse mon expérience. Il n'y a personne qui va venir en avant, je vous vois pas, il fait noir, je ne me moquerai pas de vous autres... C'est vraiment une expérience scientifique qui va marcher seulement si tout le monde se lève. Tous les gars, t'as dit? Oui, juste les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Oui, parce que je suis à la recherche du Montréalais moyen. Alors, si vous mesurez 5 et 8, 5 et 9 ou 5 et 10, vous restez debout. Toi, t'es grand. 5 et 8, 5 et 9, 5 et 10, vous restez debout. Parce que le Montréalais moyen mesure 5 et 9, mais l'échantillonnage ici est trop petit pour que... Je garde juste les 5 et 9. Je comprends la traîne. À l'occasion, les gars, dans une semaine, vous allez tous rester debout. Je suis juste content d'être assis. À l'occasion, vous avez des pensées à caractère sexuel noble. On peut-tu se relever? Non, toi, t'es quoi? Tu mesures combien? Ah ouais, tu viens de gagner 4 pouces. Presque. Non, t'es trop petit. Non, fait qu'il reste encore des gars debout, c'est bon? OK. Le Montréalais moyen ne va chez le médecin qu'en cas d'urgence, jamais pour son examen de routine annuel. Fait que les gars n'aiment pas aller chez le médecin. C'est une expérience. En général, une fille qui vous regarde danser va dire que vous dansez mal. Si vous dansez bien, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que si... Il danse-tu bien? Okay. Ben, je m'excuse, ben, c'est ce que j'ai entendu le plus souvent. C'est vrai qu'on sait pas danser. Le Montréalais moyen est celui qui sort les poubelles à la maison ou à l'appartement ou au condo. Aïe aïe. Il en reste combien debout à peu près? 8, 9, 10? C'est très moyen. OK. Il aime mieux prendre une douche qu'un bain. Ah, il y en a encore pas mal. Hey, il me reste fait que là, tout le monde qui aime mieux le bain s'assoit dans le Il y a une gang de 5 et 8, 5 et 9, 5 et 10 là-bas. Là. Check ça, là, ça, c'est tout égal. Mets-moi un niveau sur la tête de ces gars-là si je veux voir ça. Moi. OK, j'ai presque fini, mais là, il faudrait que j'arrive juste avec un à la fin pour que ça marche. S'il va dans un fast-food, il mange généralement un hamburger avant n'importe quoi d'autre. Ah, on en a perdu. OK. Ah, il y a le gars qui commande la salade au McDo, c'est lui. Ah, mais t'as des Pas de fan de poutre. Il y a une job qui l'occupe plus de 20 heures par semaine. C'est dur de baisser quelqu'un avec ça. Est-ce que vous êtes moyen? Il a une job qui s'approche de 43 heures par semaine de travail. Oui, le Montréalais moyen travaille 43 heures par semaine. Oui, il en reste 5. T'as-tu 5 coupons de bière? La dernière, généralement, on va éliminer beaucoup de monde. Son emploi principal consiste à conduire un véhicule, que ce soit un taxi, un camion, un autobus... Un lift dans une shop. Aïe, aïe, aïe. Oh! On a un Québécois moyen, je pense. Hein? Est-ce que ta job principale... Oui, est-ce que ton emploi, c'est quoi? Tu conduis un véhicule de... C'est lui. Le Montréalais moyen, c'est un Français! Merci Richard Zatirois, mesdames et messieurs. Tiens, va y donner avec nos compliments. Quelle aventure! Moi, je pensais que le Montréalais moyen faisait du graphisme. Ouais, moi aussi, c'est ça. Non. Je pensais qu'il faisait du Myland ou je sais pas ce que ça veut dire, ces affaires-là. Non, mais on vit dans un monde où l'espace est très important. Et l'espace est important, donc les translations sont importantes. Et quand les translations sont importantes, t'as besoin de robots, t'as besoin de robots des qui ont droit de vote, qui peuvent, c'est ça, faut tasser les choses. Des faut choses bouger pour bouger les choses dans des l'espace. Des fois, les choses sont là, mais t'es vœux là. Oui, oui, oui. Il y a du monde, il y a une industrie pour ça. On va réussir à tasser un peu notre planète de son orbite. Il faut que tous les Chinois soient sur place en même temps, j'ai entendu dire. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, si la Terre se réchauffe, pas trop compliqué, hein, on se tasse un peu du soleil. Ils l'ont fait dans Futurama. Puis on... Ah oui? Ben oui, à un moment donné, Bender, il dit « Envoyez pomper tout le monde », fait que là, tous les robots pompent, là, ça... C'est ça. Ça fait baisser le climat. Bon, mais parfait, logiquement, ça devrait marcher. Fait qu'on pourrait continuer ensuite à exploiter les combustibles fossiles et ne pas régler cette dépendance que l'humanité a. Ce qui me semble quelque chose de bien, parce que cette semaine, Rick Perry a dit que les combustibles fossiles prévenaient les agressions sexuelles. Ouais. Donc on j'ai pas compris comment il en est venu à ça, moi. Ben, c'est parce que dans son monde, à lui, la seule manière d'avoir de l'électricité, c'est de brûler des affaires qui sont mortes. Le monde est calme. Ensuite, c'est weird, mais l'étape 2 dans le plan, c'est que le monde est calme. Okay. Et l'étape 3, c'est moins d'agression sexuelle. C'est ça. On est vraiment rendu. Je suis vraiment d'accord avec le point que le monde est cave. Le reste, je suis pas sûr. Pas tout le monde, hein? Non. Qui tu connais qui est pas cave? On est tous cave. Non. le petit singe avec la petite queue de rat. Non, je suis content de te voir, Mathieu. Ben, ça te fait bien aussi, le poids que tu prends pas. Ouais, c'est capoté, ça. À quoi? T'arrives à 40 ans, là. Je sais ça. C'est capoté. Ça oscille entre 130 et 140 selon ce que c'est je mange. C'est ma cuisse. Ah non, mais je sais, mais... Je sais pas, ça va se passer un moment donné. Ben ouais, c'est ça. Je pensais que mes cheveux allaient tomber, ils tombent pas. Non, c'est Bruno qui s'en est chargé. Ouais. Ses cheveux sont tombés pour tes péchés. En échange, j'ai volé les lunettes bleues à Mathieu Bonin dans le temps qu'il... Ah! Oh! Mathieu... Hey, on le salue, il existe-tu encore, lui? Ben oui, il existe encore, certains. C'est ça. On passe au prochain! Non, mais je pas... Une mère du Wisconsin fait face à des accusations de négligence criminelle après avoir été aperçue en train de conduire sa voiture alors que son fils de 9 ans était attaché sur le dessus d'une piscine en plastique sur le toit de la dite voiture. Ah non, mais ça s'appelle vivre un moment père-fils. Mère-fils. Ah, oh, mère-fils. OK, c'est... Hey, c'est okay, la maman. C'est une mère du Wisconsin. C'est une mère du Wisconsin. Je pensais que c'était Wisconsin. Le maire du Wisconsin. Non, non. OK, ah. Oh. Dans wow. Arrêté weird dans tabarnak. Hé, hey, ah, mère-là. Oui. Selon les témoins, Amber Schmunk, 28 ans, se serait éventuellement arrêtée sur l'accotement et aurait fait descendre son fils du toit avant de mettre la piscine dans son véhicule. Lorsque questionnée par les autorités, elle aurait immédiatement confessé ses actions, ajoutant que son fils aurait passé seulement 20 à 30 secondes dans cette position et qu'il était en sécurité parce qu'elle l'avait strappé sur le top. Bon. Mais en même temps, c'est sûrement un des plus beaux moments de sa vie. Ben, elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'avait pas de place pour transporter la piscine dans sa voiture, et ce qui explique qu'elle a demandé à son fils de la tenir sur le toit de la voiture. Oh, elle a utilisé son fils pour un surf. Ça, c'était pas du fun, non. Finalement. Et elle a également affirmé qu'elle croyait que le tout était OK parce que son père lui permettait de faire des choses du genre quand elle avait 9 ans. Encore le patriarcat. Encore le patriarcat! Encore! Non, mais c'est encore. Mais c'est peut-être juste son père papa qui était Papa, il a dit aussi. Oui, c'est correct, puis on l'écoute. Non, là, un moment donné, là. Mais t'as vu, chérie, j'ai gonflé le bébé? Tu l'as vu, hein? À la fin du film, là, l'autre, là, Darth Vader, là, il dit que je vais me faire gonfler pour aller parler au bébé, tu sais. Puis là, la fille, a dit, sa femme, a dit non, non. On s'amuse avec le papa, mais on niaise pas quand c'est la mère qui nous parle. Fait que là, sa mère, elle jump dans la machine. C'est elle qui se fait grossir pour aller chicaner le bébé qui est en train de détruire des buildings. Toi, c'est... Disons, dans une optique familiale, que t'aurais un enfant, Tommy, c'est-tu de même que tu vois ça? Je sais pas. Ouais, on verra quand ça va m'arriver. Ben ouais, c'est ça. Ça va-tu t'arriver? Ben peut-être. J'aimerais ça en adopter un. Oui. Ah ouais, un Mexicain, là. Non, mais il faut que. Qui a déjà 6 ans et qui est bon à ce moment-là. Mais si t'aimerais ça, il faut que tu te mettes tout de suite. Ah, j'ai des grands projets pour cet enfant-là. Continue, Bruno. Oui, le service du 911 de Huntington en Virginie-Occidentale a reçu un appel lundi dernier au cours duquel le répartiteur pouvait entendre un homme crier qu'on lui avait tiré dessus. Je vais te tirer dessus, aurait affirmé une autre voix au téléphone. Tandis qu'une autre voix aurait affirmé « Je viens de me faire tirer dans le dos ». Les policiers sont arrivés sur les lieux constatant des plusieurs blessés graves sur l'écran de télé sur lequel une game de Call of Duty se déroulait. Coup de théâtre. J'ai bien aimé le résumé de Emmanuel. Ces gens-là devraient juste comme calmer leur vie à la place d'avoir le Call of Duty, ils devraient avoir le Call of Duty. Oh. Chaque lundi gratuit au brouhaha. Oui. Oui, ben oui. Donc, on va continuer. Un homme d'Osnabrück, en Allemagne, aurait décidé d'utiliser un pulvérisateur de poivre de Cayenne comme ouvre-bouteille dans un cinéma quand le prévisible est arrivé. Dans un cinéma, en plus. Tentant d'ouvrir sa bière avec l'aérosol, l'homme aurait percé la canette, propulsant son contenu entier dans la salle de cinéma. Les services d'urgence rapportent que le cinéma a dû être évacué et a fermé ses portes toute la nuit alors que les clients ressentaient les effets de l'arme défensive. Ouais. Aucun blessé grave n'a été rapporté. Les services d'urgence ont publié un avertissement sur leur page Facebook qui va comme suit. S'il vous plaît, n'ouvrez pas des bouteilles de bière avec des cartouches de poivre de Cayenne. Ajoutant, n'utilisez pas non plus des pistolets, grenades, baïonnettes, feux d'artifice ou poing américain. Ben là, le point américain, tu peux. Je pense que ça va, point américain, ben aussi. Oui, ben j'imagine que c'est juste l'idée de ne pas en amener un au cinéma, tu sais. Et l'alcool? Non, même pas. Ben oui, là, mais ben, tu sais, on est au courant. Ouais, je comprends. Il ouvrait une bière, puis il était en Allemagne. L'héroïsme aurait été en cause dans ce dossier. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Des excellentes éphémérides. Hey, c'est capoté, hein? Oui. Sinon, ben, tu viens de survivre à ton nouveau 70%. T'es un de ceux qui va avoir fait les 3 évolutions. C'est capoté. Quand même. Je suis content de te voir, Mathieu. Ben, moi aussi, je suis content de te voir. Si on veut te suivre, c'est le Facebook de Mathieu Saint-Onge. C'est pas mal le Facebook, mais je sais pas combien de temps ça va. Ben là, gars, je vais me plugger. Le 20 novembre. C'est ça qu'on sert. Parce que c'est ça. C'est bien beau le Facebook, mais c'est le fun en personne. Le 20 novembre, je vais exposer mes derniers tableaux à ma brasserie. Oh, on connaît, c'est les amis du brouhaha. Ben oui, c'est ça, c'est juste à côté. Fait qu'il va y avoir une couple de mes tableaux là-bas, puis je vais aller peindre sur place justement pour jaser avec du monde en personne. Parce que pour voir le monde vibrer c'est devant. Mais ben, je vais leur dire sur Facebook, venez me voir, mais je veux plus vous voir en personne que sur Facebook. Fait que c'est ça. Comprends. C'est bon. Puis après, je sais pas ce qui va se passer. Mais là, c'est sur Tout TV, il y a les capsules de Doc Canada. Ça, c'est ton nouveau personnage. C'est un nouveau personnage qui est un personnage de Canadien. Parce qu'on m'a demandé, je sais pas, je n'ai-tu parlé déjà? Continuons, on va te perdre. Parce qu'on m'a demandé, Mathieu raconte l'histoire du Canada. Il y a le 150e, il y a des subventions, on a, faut qu'on parle du 150e. Puis tu vas être un fan du Canada. Fait que je me suis dit, je vais devenir le Canadien moyen. Puis le Canadien moyen... Pour moi, moyen. Moi, je ne me contente pas du moyen. Moi, je préfère le stéréotypé. Et je me suis basé sur le stéréotype. C'est un meme qu'on a vu beaucoup. Vous l'avez sûrement vu. C'est une petite madame avec des lunettes puis une tuque qui est dans une manifestation avec une pancarte qui est écrite I am a little upset. Je suis un petit peu en calice. Et ça, je me suis dit, ça, c'est le Canadien, comme on l'aime. Fait que je me suis dit, pour raconter l'histoire du Canada, je vais devenir un Canadien moyen. Donc, qui est ouvert sur le multiculturalisme. En fait, plus stéréotypé que moyen. Qui est comme, il veut avoir tout le monde. Il se dit que le Canada, c'est le plus beau pays du monde. Puis, à un moment donné, il se plonge dans l'histoire pour raconter l'histoire de son pays. Et il voit qu'il y a des pages très, très sombres qui ne marchent pas avec ses valeurs. Peut pas tout ça. On a rattrapé beaucoup de pays européens en 400 ans. C'est un peu élevé. On a réussi à avoir nos lettres de noblesse en matière de décalissage. Hein? On salue Amherst, le général. Ben oui, Amherst. Oui, on salue Johnny McDonald. On en a une coupe de même. Fait que ce Canadien-là veut raconter l'histoire de son pays qu'il aime beaucoup, mais se plonge dans son livre et réalise que ça va pas très bien. Alors, c'est sous cet angle-là que j'ai décidé de parler de l'histoire du Canada. Et là, tout est sur Tout TV. On a des thèmes comme la bataille des plaines d'Abraham, que j'explique comme avec une métaphore de match de hockey, que c'est l'équipe de hockey anglais. Les Nordiques ont perdu. C'est ça. Bon, c'est un peu plus court. Ben, c'est comme les Maple Leafs contre les Canadiens. Ah, okay, ouais, mais ils n'ont pas exactement les mêmes couleurs de chandail. Puis les Canadiens avaient un bon goaler, mais là, qu'est-ce que tu veux? Et là, on va écouter la première capsule de cette série-là. Ah, on écoute la première. Ouais. Vous avez mis la première avec les découvertes. Oui. OK, ça, c'est celle qui est très de base. On n'apprend pas grand-chose parce qu'on ça sait... Ça va donner l'eau à la bouche à tout le monde. Parfait. On va écouter ça, Drella? En fait, on va écouter juste avant. Je vais passer par des remerciements. Okay. Ensuite, il va y avoir Guillaume Blais, notre house band, qui va jouer une toune. Et ensuite, on va écouter ça après avoir replacé la salle. Ben, donc, c'est bon, ça. Si tu me permets, première étape. Merci beaucoup à Mathieu Saint-Ange, mesdames, messieurs! Merci infini à nos techniciens, Marianne, Caro, il y a eu Nathan... Mathieu Potvin qui est passé. Un merci particulier à Jean-Sébastien Godette. Ces temps-ci, il va pas super, qu'il m'a dit. Donc, j'aimerais tout le monde à 1, 2, 3, on va dire « On t'aime, Jean-Sébastien », OK? 1, 2, 3... On t'aime, Jean-Sébastien! C'est lui qui monte le show, ça m'aide beaucoup à chaque semaine. Là-dessus, merci Bruno, merci aux chroniqueurs. On vous laisse avec une chanson originale de notre house band, Guillaume Blais. Et on revient après avec une capsule de Mathieu Saint-Onge. Allez sur Facebook Saint-Onge parce que son ancêtre est arrivé, puis là, c'était moins long. Alors, une petite chanson d'amour pour tous ceux-là qui lâchent pas, puis ceux-là qui devraient des fois. Bonjour, tu m'auras oublié. Le soleil va se remettre à briller. Tu vas te lever comme ça un beau matin, sans savoir pourquoi tu vas te sentir bien. Quand je serai complètement sorti de ta tête, ce sera rendu le temps de faire la fête. Le lendemain, tu prendras un autre départ. Mais ce beau jour-là, c'est pour plus tard. Parce qu'avant ce jour-là arrive, il te restera plus de larmes dans le corps. Ta bile haineuse et ta salive ont fait fondre ton petit cœur en or. Laisse le passé derrière et le futur devant. Ce qui comptait pour nous, c'était maintenant. Un beau jour, tu pleures plus. T'as enfin repris le dessus. Un beau jour, tu te sentiras mieux. Avec quelqu'un de plus beau, de plus fort, de moins vieux. C'est ça que n'importe qui devrait faire. Un beau jour, crée-moi et tu verras clair. L'espère pas trop pour rien. Tu sais bien que ce beau jour-là, c'est pas pour demain. Parce qu'avant que ce jour-là arrive, il te restera plus de larmes dans le corps. Ta bile haineuse et ta salive vont faire fondre ton petit cœur en or. Laisse-le passer derrière et le futur en avant. Ce qui comptait pour nous, c'était maintenant. J'ai jamais été un magicien, mais je peux toujours disparaître. En me sauvant avec l'espoir que tu tiens dans tes mains, afin que ça torture tout ton être. Que la tristesse t'inonde, je suis plus gentil, là je suis méchant. J'ai envie de te faire souhaiter d'être jamais venu au monde, mais que tu vives éternellement. Un beau jour, t'auras enfin compris que notre histoire à nous deux, c'est fini. Ne retiens pas ton souffle, finasse pas trop. C'est bien que ce beau jour-là, c'est pas pour bientôt. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Ok, ben, je m'appelle Jérémy Alain et je joue pas à Magic parce que je sais pas, je viens d'un univers de dopé puis on dealait de la dope avec nous autres. Il y a quelqu'un qui fait comme hey, je suis un magicien! Moi, je suis comme non. À 70%! Merci, Jérémy Alain! Est-ce que ça va bien? Les gens au bois! Est-ce que vous êtes sûrs? Ah, voyez? OK. Ça va bien? Vous êtes beau! C'est vrai? Ah, t'as l'air pas sûr de toi, public, mais je te le dis. Tu es beau. Hey, j'aimerais ça... D'abord, je tiens à dire que je suis très content que vous soyez là. Hein, si toi aussi, tu as été scrappé par les années 80, tu es au bon endroit. Hein? Je pense que c'est un peu tout notre cas. Hein? Non, mais on rit, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Hein? OK. Il y a deux petits trucs que je veux dire avant qu'on aille plus loin. D'abord, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement aux gens qui ont fait la playlist, c'est-à-dire le gars dont j'oublie son nom, et Élise Laflamme! Non, mais on va le nommer proprement. Maxime. Maxime, voilà. Maxime Moileau, s'il vous plaît, oui! Dieu sait que s'il y a une affaire qui est chiante à faire dans la vie, c'est du montage vidéo. Puis lui, il en a fait pas mal ce soir, fait que c'est assez quelque chose. Puis toi, on te remercie, mais pas plus que ça, parce qu'on n'a pas encore dormi dessus. On va dormir dessus ce soir. J'ai un clip que j'aimerais souligner puis revenir dessus qu'elle a présenté. C'est l'annonce de Gun pour les petits gars. Déjà, je comprends hein, qu'avec notre œil de millénial frileux, on trouve ça un peu aberrant. On se dit, mon Dieu, hein, c'est quelle arme violente pour un enfant. Mais il faut se remettre dans le contexte. À cette époque-là, aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y avait des communistes partout. Et il fallait leur apprendre à protéger l'argent. Hein? L'argent qui sert à acheter les guns, qui servent à protéger l'argent. Me suis-tu, là? Hein? Bon. Hey, j'ai une petite crotte sur le cœur aussi avant qu'on aille plus loin. Ça allait très bien. Hein? Montréal était une ville économiquement prospère où la liberté était visible à tous les coins de rue. Hein? Et là, moi, je disparais deux jours. Je me réveille, puis on est devenu sous emprise socialiste. Alors, ah ouais! Ah ouais, hein? C'est beau de vous voir aller, hein? Quand la guerre va starter, ils vont rire en crise, hein? Hein, là, vous allez venir me voir, là. « Ah, oh, mais Toto, finalement, on s'était trompé. On avait besoin de liberté. » Puis là, je vais dire, « Ah ouais? Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Ah, oh, tu dansais? Eh bien, chante maintenant, hein? » Mané, oui, je sais que c'est le contraire. Ça s'appelle une figure de style, Bruno. Ah, c'est-tu que tu m'énerves? Ben, ça reste à voir. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte que vous aviez fait le mauvais choix, puis là, vous allez vouloir changer d'équipe. Mais il va être trop tard, c'est ce que je te dis. Coderre s'est retiré de la vie politique. C'est fini. Hey! C'est beau de voir ça, hein? C'est tout jeune, tout naïf. Ouais, I'll be back, honestie. OK. Hey! Parlant du Parti libéral et de mercantilisme, c'est le moment de vous vendre des cossins! Puis à chaque fois que moi et Boudreau, on est laissé tout seul à nous-mêmes en arrière de l'écran, on redéfinit le mot cossin, OK? Ce soir, on a des papiers cossins. Mathieu, je te laisse. On a un petit bloc détente ici. Avec des boules chinoises. Ça, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi. Un masque quoi? Ah! OK, ben non, c'est juste des boules, on s'en fout. Ah, de même? Hey, le pire, c'est que mes semelles sont toutes finies, puis ça marche, je le sens. Je le sens. Ah, et on se masse les pieds en se faisant une petite soirée VHS, comme il ne s'en fait plus. En écoutant des choses comme oh my God, When a Man Loves a Woman. Tu sais, dans le temps que Andy Garcia, le monde savait c'était qui, genre? OK. Dans le temps que Meg Ryan n'avait pas de... Ici, on a Tom Cruise dans Jour de tonnerre ou Days of Thunder. Là, on voit ici, je tiens à souligner, il y a un signe très clair que ça a été doublé au Québec. Parce que Days of Thunder, la bonne traduction, c'est Jour de tonnerre. Donc, ça a été traduit au Québec parce que le titre est bien traduit. Voilà. OK, oui, on a quelque chose d'extrêmement d'actualité aujourd'hui. Je ne parle pas, bien sûr, de Kevin Klein parce que c'est pas, il n'est pas d'actualité. Mais le film s'appelle Adulte consentant. C'est une production de Juste pour rire. Et sa mère vedette, Éric Salvaille. OK. Ah, ben là, tabarnak! Là, il n'y a pas de joke à faire là-dessus, ce que j'en vois pas un, tabarnak. OK? Puis, et là, quand je disais, je ne l'ai pas dit que j'haïs les Français, mais je l'ai pensé, mais j'haïs les Français, parce qu'ils ont réussi à traduire Die Hard, qui est dur à traduire quand même, on va s'entendre, par Piège de cristal! Ouais, mais meurt dur, ça... Mardu, c'est plus comme un porn gay, genre. OK. Et un livre. C'est quoi? Ah oui, parce que, écoute, hein, tant qu'à pelleter de la culture, Gracien Gélina, le livre Bousille et les Justes. Hein? Ouais. Je te lis une phrase au hasard. OK. Alors, la phrase au hasard, c'est c'est ce que vous avez fait? Ça. Non, mais c'est le hasard! Voyons donc! Oh. Je vais te lire le quatrième de couverture à la place. Ah oh non, même pas. Ça me tente pas. M'excuse. Non, j'ai énormément de respect pour Gracie Gélina, mais ça ne m'oblige en aucun cas à le lire. Voilà. Ça part à 2$! Ah! Ça vient pas avec le sombrero! Ça vient avec le sombrero! Parce que c'est j'avais oublié la thématique détente, mais évidemment, le sombrero s'impose. Alors, 2$? 2,50. 3. Merci. 4. C'est slow crowd. C'est correct. 4 une fois. 4,50. Je l'ai entendu. C'est correct. 4,50 une fois. Hein? 5$. Non, mais c'est quand même un billet en papier. 5$, j'aimerais ça qu'on... Hein, un petit peu de... 5$ une fois. 5,50. C'est la même? 6. OK. 6 une fois. 7. 7 une fois. Hey, je écoute, come on! 7 deux fois. 7,50. 8. Si elle veut, elle n'y est pas que ça. 8 et 10. Non. 8 une fois. 8 deux fois. 8 et 50. 50 la short, come on. 9. 9 une fois. 9 et 50. Eh non, mais arrêtez de jouer entre vous autres. Est-ce qu'il se passe à quoi, là? Bon. 10$. Ça, c'est deux billets en papier ou un, mais c'est moins hot. T'as mieux d'en avoir deux. Parce que... OK. 10$ une fois. 10$ deux fois. 10$ trois fois vendu. Ça, c'est ce que les économistes futurs vont appeler un esti d'investissement. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui. Non, mais à force de vendre ce qu'il y a en arrière, on se ramasse avec qu'est-ce qui reste, OK? C'est un chandail! Non, on va le refaire, j'ai pas aimé ça. C'est un chandail! Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment ça s'habiller avec du linge? Tu peux pas l'acheter, t'as crié oui, OK? Un contrat verbal, c'est légal. OK. C'est un quoi? C'est un extra large, ce qui est une bonne chose à l'œil, hein? Si on veut avoir des chances d'en vendre. OK. Ça dit, fais attention, il y a du sang. Fait que tu sais, c'est comme cool un peu, pis c'est mystérieux, pis c'est drôle, OK? Est-ce que tout le monde comprend le chandail? OK. Combien j'ai, là? 3$. 4. 4 une fois. 5. 5 une fois. 5 deux fois. 6$. Le sens du spectacle, Manu, j'aime ça. 6$ une fois. Hey, non, j'accepte pas ça. 6$ deux fois. 6$ trois fois vendu! Ça paraît pas, mais c'est avec des pièces qu'on finit par manger chaud. Voilà. Tommy, donne-les au bon, à la bonne personne. Écoute, j'ai-tu besoin de dire c'est quoi, là? Ouais, fais à noter. Ça fait à peu près un an et demi qu'on la vend périodiquement, puis qu'elle n'arrête pas de revenir. On a tous un peu peur, d'ailleurs. Non, elle est là. Es-tu là? OK, elle est là. Ah, c'est parce qu'elle est protégée, parce qu'elle crie. Mais elle est protégée avec... Oh, my God. Hey, ça venait pas que des maisons en plastique, quelque chose? Ouais, t'as pas ton saut de green screen, je veux juste te le dire. OK. Écoute, elle n'arrête pas de revenir. Fait que moi, ce que je suggère, c'est que tu l'achètes puis que tu brûles. Mais bon, ça a l'air qu'on peut pas... Je ne sais même pas pourquoi j'ai touché. OK. Donne-moi un chiffre. 5 sous. Attends, combien j'avais là? 3$! 5! 6! 6,50. Est-ce que c'est la même qui s'auto-raise ou... OK, non, vous êtes deux. OK, c'est bon. 6,50 une fois. 7. 7 et 50. 10! 10 et 50! Non, mais expliquez-leur pas qu'ils peuvent combiner leur cash. On veut pas leur dire. OK. 10 et 50 une fois. 11! 11 une fois. 11 et 50! C'est la même table, ça me faut, merde. 11 $ une fois. 11 et 50! Par là? En tout cas, 11 et 50. C'est bon? 11 et 50 une fois. 11 et 50 deux fois. On me fait signe que c'est bon. 11 et 50! Trois fois vendu! 12! Attends, qu'est-ce quoi? On a dit 12. C'est confirmé? Je te vois pas, mais je te crois. 12 $ Ben, je t'ai rendu, mais mon oui fait défaut. Une fois. 15! Bon! Hey, s'ils comprennent le pouvoir du nombre, le capitalisme tombe. OK! 15 $ une fois! 15 $ deux fois! 16 $ une fois! 16 $ deux fois! 20 $ Ça, c'est du craft dinner pendant 15-20 jours, le gros! Tu ne créeras même pas ça. Ça. En fait, c'est tellement de craft dinner que ça crée le problème de « j'ai pas assez d'argent pour le lait ». 20 $ une fois. 20 $ deux fois. 20 $ trois fois vendu. S'il est encore à vendre la semaine prochaine, je capote. Honnêtement, elle ne peut pas être encore à vendre la semaine d'après. C'était-tu ça ou bien il te reste à quoi? C'était ça! Mesdames et messieurs, la magnifique Mathieu Boudreau, s'il vous plaît, qui nous a donné tantôt un des moments les plus what the fuck de 70% ever, malgré, écoute, la panoplie de moments what the fuck. Mais bon, écoute, on donne un autre grosse main d'applaudissement au VJ de la soirée, s'il vous plaît. C'était malade. Tommy, reste quoi? Il y a des affaires à plugger, là. Viens plugger les affaires qu'il faut plugger. Mesdames et messieurs, je vous laisse en bonne main. Tommy Gonnette! Merci. C'est quelqu'un qu'on est très content de revoir sur scène ici au Brouhaha. Mesdames et messieurs, Toto Lavigne. Non, donne ton trois mains d'applaudissements. Let's go. Donc, oui, j'ai un gros merci à faire aux deux VJ de la soirée. Merci à Mathieu Saint-Onge. Merci à vous, gens du public. Douteux.org, à la base, on insiste pour passer un long métrage au complet. Celui de ce soir s'appelle Disco Godfather. Ça vient parce qu'on fait des activités au Musée de l'absurde chez moi assez souvent. Et on a commencé une rotation de marathon mensuel. Chaque dernier samedi du mois, on a un VJ qui nous fait une playlist de 8-9 films. Et si tu passes au travers, on te donne un certificat. Oh, shit! Et le premier qui a été monté de ces marathons-là, c'est Pascal qui nous l'a fait. Et Pascal, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, Grenier. Et lui, il a monté une playlist de Blaxploitation. Disco Godfather, j'avais jamais vu ça, je conçois même pas, tu sais. Rudy Ray Moore est une figure très importante du monde du hip-hop. Un des premiers à lancer des rimes par-dessus la musique qu'il faisait jouer pour encourager les danseurs. Il est de ces humoristes slash musiciens slash acteurs qui a inspiré plusieurs grands de la vie, dont Flavor Flav et Snoop Dogg. Pas de joke. Son rôle le plus emblématique, c'est Dolemite. On a tous vu des clips de Dolemite. Mais ce soir, il est Disco Godfather. C'est l'histoire d'un film qui aime tellement son héros que tous les personnages nous en parlent en termes très élogieux. C'est que le Angel Dust vient de tomber sur la population black de la ville, tu comprendras. C'est le non-code de la mescaline. Et Disco Godfather a pratiquement perdu son neveu dans une séance de suracting glorieuse. Partez pas avant la séance de suracting du fils. Et ça, virgule, comme on va se le faire rappeler souvent, virgule, ça se fait pas de pousser le neveu de Disco Godfather au montage de fin de match. C'est un film sérieusement désopilant. L'acting, la distribution, les décors, la trame sonore, c'est quelque chose que je ne m'attendais absolument pas. Il était tard, j'étais fatigué. Un peu comme un Amérindien qui cherche son animal totem après pas assez de sommeil puis trop peu d'énergie. Oui. J'ai vécu un moment d'extase fabuleux quand j'ai découvert ce film-là. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui est mis en veilleuse quand vient le temps de mettre le héros en valeur. Et ça, c'est du cinéma des années 70 en tabarnak. Et c'est un Blaxploitation. Et on est douteux.org et on va être là lundi prochain. Allez voter jusqu'à demain sur notre Facebook de groupe fermé. Très exclusif, le groupe fermé d'ailleurs. J'ai plus rien à dire à partir de maintenant. Merci technique, let's go là, générique. Puis pénis dans le gars. Ah, j'aurais dû lâcher mon... C'est salut tout le monde, ici Poilot. Et Dédé. Et vous écoutez 70% à CGMS, douteur. Ça marche, c'est parfait. Ça le fait. Hey, salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette, je vais être votre hôte pour cette nouvelle édition de l'excellent meilleur show gratuit du lundi au monde. Ça va se terminer par un film que j'ai découvert dernièrement, ça s'appelle Disco Godfather avec Reedy Ray Moore dans le rôle du héros. C'est un Blaxploitation avant la lettre. Et Reedy Ray Moore, en fait, je sais pas si j'ai son nom, là, mais je me rappelle, ça ressemble à ça. C'est pas mal l'inventeur du rap, genre de la manière que ça se fait de nos jours. Ça devrait être un excellent long métrage. Je l'ai vu. Il veut arrêter la mescaline et il utilise ses muscles vraiment huilés pour le faire. Très, très, très Blaxploitation. Juste avant, on a deux VJ. Un, c'est sa première fois, donc j'espère qu'on va être capable de le mettre mal à l'aise. Son nom, c'est Maxime Boileau. On est très content de l'avoir avec nous. Élise, sinon, la dame qui nous book nos invités à 70%, sera l'autre 50% de ce set de VJ qui s'annonce au moins hétéroclite. J'ai hâte de voir ce que Maxime nous amène. Puis, ben, juste avant, on va écouter une comme primeur, ça s'en vient, de notre invité Mathieu Saint-Onge. Il nous a amené quelque chose. Je pense, ah bon, ben, en tout cas, ça s'appelle Doc Canada. Puis on a une primeur parce qu'on ne l'a jamais joué à ici. Ça reste une primeur. Sinon, dans ce 70%, on va avoir notre ami Mathieu Saint-Onge comme invité. Et pour commencer toute cette aventure, je me suis dit que j'étais pour vous lire ma critique de Transformers The Last Night de 2017 que j'ai écouté hier. Donc c'est encore très frais dans mon esprit. J'ai de la misère à trouver des mots pour m'agripper à quelque chose qui pourrait me donner une manière de développer ma mémoire là-dessus. Donc, c'est un cinquième film à plus de 250 millions de budget pour cette franchise qui n'a aucun fan nulle part. Michael Bay, la deuxième évolution de Jerry Bruckheimer, nous offre un autre enrobage d'explosions et de CGI à un scénario incompréhensible, alors que Mark Wahlberg continue son simple plan de carrière. Ça consiste à dire non à rien. Ça va pas pire. L'humanité a donc déclaré les Transformers illégaux, mais le roi Arthur était aidé par les Transformers pour détruire les nazis. Ce qui explique pourquoi John Turturro est à Cuba avec des robots qui parlent avec un accent espagnol, pendant que Mark Wahlberg saute sur des drones volants pour se déplacer vers le château d'Anthony Hopkins pour y apprendre pourquoi il y a des robots et y rencontrer la pitoune du film. Et il va aussi voir la table ronde autour de laquelle les 12 robots de la cour du roi Arthur se rencontraient pour protéger l'Angleterre du robot qui se dit le Prime of Life et qui a kidnappé Optimus Prime en l'obligeant d'aller se battre contre ses amis où la Terre sera détruite pour que Megatron fasse sortir des robots de prison. mais c'était sans compter sur la staff prétexte. Une affaire super forte qui explique pourquoi Stonehenge est à cet endroit depuis si longtemps, car la Pangée avait en son centre l'actuelle Angleterre. Ce qui explique aussi pourquoi les robots aident les humains depuis la nuit des temps, pour que Mark Wahlberg nous fasse vivre plein de placements de produits, alors que le petit robot à l'accent anglais de Anthony Hopkins sert de comic relief durant les poursuites explosives et les explosions des poursuites. Des poursuites en char, jusqu'à ce qu'ils trouvent le sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale qui va leur permettre de se sauver de Londres et de souper aux chandelles pour aller chercher l'aide du gouvernement anglais pendant que Mark Wahlberg devient le Chosen One qui draine le talisman permettant de débarrer le vaisseau spatial millénaire extraterrestre qui est au fond depuis l'océan, de l'océan depuis la nuit des temps. Alors que Cybertron avale la Lune puis s'en vient avaler la Terre, ce qui provoque des guerres civiles partout sur Terre. Heureusement que l'armée américaine va aider Mark Wahlberg, le Chosen One, dans son entreprise visée à découvrir le tombeau du roi Arthur dans le vaisseau ancestral millénaire extraterrestre qui contient le bâton magique protégé par un robot géant qui se bat à deux épées mais qui n'est pas capable de toucher Mark Wahlberg. Parce que c'est le Chosen One qui est aidé par des ralentis aussi outrageux que nombreux. Puis, alors, il est révélé que la pitoune est une descendante de Merlin et qu'elle seule peut manier la staff prétexte, faisant d'elle aussi une Chosen One. Puis arrive Optimus Prime, manipulé par le Prime de la vie, pilote de l'ostinage dans le vaisseau qui remonte à la surface pour une raison quelconque. C'est là que Bumblebee attaque Optimus Primus pour reprendre la staff prétexte et la redonner à la Chosen One, ce qui fait que Mark Wahlberg, le Chosen One, pogne Excalibur et peut ensuite se battre contre les robots géants qui deviennent immédiatement gentils parce qu'ils attendaient le retour du Chosen One. Puis là, Optimus Prime dit « Je vous promets que je ne vous trahirai plus jamais. » Je la trouve très drôle, cette phrase-là. Dit-il juste avant de se diriger vers Cybertron pour tuer la Prime of Life qui l'a manipulé à aller chercher le staff. Mais Megatron a déjà volé le staff et peut maintenant ouvrir un portail dans Stonehenge où Anthony Hopkins va mourir avant que les Transformers aillent sur Cybertron pour vaincre la menace et achever 2h30 de calice de niaiserie extra fromage. Ouais, ouais, spoiler. Les effets spéciaux sont même plus si 250 millions de dollars que ça. On était à peine à moins 6. Voilà, c'était ma critique de Transformer de Last Night. Ouais, ça m'a fait plaisir. Là-dessus, Bruno. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.